tiens, mais en bandage, j'ai envie de t'embrasser. Viens, je t'embrasse. Viens. Oh mon Dieu, je tremble de partout. Tu gagnes 10 000 euros. C'est une vanne, je vais pas le faire vraiment. 10 000 euros, Céline, que l'on va t'envoyer chez toi à la maison dans quelques jours. Oh, merci, pas ouf, hein. T'inquiète, c'est Coé, ça commence maintenant. Le Bifort. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti. 17h-20h sur Énergie. Merci d'être avec nous, bonjour. Bienvenue sur Énergie, merci de nous avoir choisis. Merci d'être là avec nous tous les jours de 17h à 20h. Bienvenue dans le Bifort. Vendredi, le Bifort sera en direct de Cannes. C'est pas grave. Ensuite, non, c'est pas grave. Non. Il y aura Big Flo et Oli qui seront avec nous. On aura VG Dream qui sera là. Maître Gim sera aussi là. Il y aura Kenji. Il y aura plein de stars. Il y aura Jennifer qui viendra nous faire un bisou. On aura plein de copains qui viendront. Il y aura Jane qui sera là. La bonne nouvelle, on l'a appris hier. David Guetta sera notre invité. Oh, j'ai été le chercher loin, tu vois. Oui, j'allais dire, c'est moderne. Oh, j'ai été le chercher loin. Ah, mais ça fait du bien de le réécouter. Je vous ai dit que je mixais lundi prochain en première partie des Black Eyed Peas au Zénith. Je crois pas. J'espère que vous avez passé une très belle journée. Vous l'avez entendu, Céline hier a gagné 10 000 euros. Vous aussi, vous pouvez gagner 10 000 euros avec le cash-cash 7, 10, 12 par SMS. En mettant Coé au début de votre message, je sens que ça peut retomber encore. Et là, toute la compta est en PLS, mais c'est pas grave. Je sens que ça peut tomber encore. Trouvez-moi la bonne enveloppe et faites-vous jusqu'à 10 000 euros, 7, 10, 12 en mettant Coé au début du message. Les auditeurs aujourd'hui, 0870 42 48, confiez-nous votre moment le moins romantique que vous ayez vécu. On en a tous vécu. Oh oui. Des pas romantiques du tout. Nous aurons tout à l'heure les champions du monde de l'actu. Il y en a des fantastiques aujourd'hui. Le Zap Télé de Mico, plus particulièrement. Laisse-moi deviner, est-ce qu'il y aura un petit bout de l'amour et dans le pré? Il y aura un petit bout de l'amour et dans le pré, c'est surtout une spéciale crado aujourd'hui. Ça peut aller avec. Il peut y avoir des crados dans l'amour et dans le pré. Ouais, ouais. Il y en a même des fois. Il y en a beaucoup. Dans l'actu rapidement, les Spice Girls, ça y est, elles vont se reformer. Ouais. Je vous en parlerai. Nous parlerons de la voleuse la plus âgée qui a été gaulée par la police. Je vous parlerai d'un avion bloqué depuis deux jours. Ça paraît rigolo, sauf quand on est dedans. Nous aurons aujourd'hui le top 5 des voleurs les plus cons de la planète. Nous aurons, puisqu'on est dans les top 5, un autre top 5 dans l'heure. Le top 5 des coupes de pubis pour hommes. Vous ne rêvez pas. Ça existe. On parle beaucoup des coupes pour femmes avec le fameux ticket de métro ou la boule rasée à zéro. Là, le triangle. Comme à neuf. Ah oui. Eh bien, aujourd'hui, il y a aussi la même chose pour les hommes et ça devient stylé d'avoir une coupe de pubis. Nous aurons, pour vous écouter bien les filles tout à l'heure, vous verrez si votre mec rentre dans le critère des cinq coupes que je donnerai tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a, Stouff? Bah, t'es obligé de le dire. Elle avait une vanne, super. Vas-y. Ramener la coupe à la maison, mais bon. Mais elle est exceptionnelle, ma Stouff. Nous aurons tout à l'heure la compile avant-après les taxes sur le gasoil, puisque vous savez, il y a des gens qui hurlent. Et c'est normal. Il y a des gens pour qui le boulot, pour qui la voiture est un instrument de travail, qui sont obligés de faire des kilomètres pour ramener les enfants, qui nous écoutent certainement. Et avec les prix qui flambent. On n'en parle pas. On n'en parle pas beaucoup. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on ne peut pas baisser. Je ne comprends pas bien. Parce que ce sont les taxes qui montent et le prix du baril. Donc tout monte. Oui. Oui. Mais alors, quand le prix du baril chute, comme ça a été le cas pendant deux ans, le prix a continué de monter. Voilà. Bah oui, c'est pas pareil. D'accord. C'est donc je pense que si demain les pays arabes décident de donner le pétrole, genre imaginons, ils font un Black Friday. Oui. Ils disent pendant une journée, tout c'est cadeau. Les barils de pétrole, on vous les offre. Je suis sûr qu'on paierait quand même 1,50€. Si on paye pas au baril, on le repérait en taxe. Là c'est un petit peu exagéré. Je comprends que les gens qui servent de la voiture tous les jours soient pas contents. Nous aurons tout à l'heure Nikos au téléphone qui nous parlera des Energy Music Awards. Lui aussi se prépare. Il est comme nous. C'est bientôt. Nous c'est vendredi pour le Before. Lui c'est samedi, c'est sa soirée. Nous aurons tout à l'heure après 18h pour l'émission publique l'appel promo, une bagarre pour des champignons, le retour du championnat du monde de pull moche. Qui est à nouveau organisé en France pour la deuxième année. Exactement. C'est à Albi et je commence l'émission en vous parlant d'un pari à la con. Ne faites pas ça chez vous. Il s'appelle Sam Ballard. C'est un ancien espoir du rugby australien. Il est mort jeudi dernier suite à un pari à la con en 2010. Il avait 19 ans. Il avait parié avec ses amis qu'il était capable de manger une limace. Allez me dire, Paris, quand t'es bourré, tu peux faire des paris plus bêtes que ça. Sauf que il est tombé malade, infecté par une maladie qui est une sorte de truc qui se propage chez l'être humain. C'est une sorte de nématode. Je sais même pas ce que c'est. C'est via les rats et les mollusques. Pour vous dire comme la limace est dangereuse, il a d'abord fait un coma d'un an. Il s'est réveillé tétraplégique. Il a quitté l'hôpital au bout de 3 ans sur chaise roulante motorisée. Son état s'est aggravé au bout de 8 ans. Il a succombé à la maladie. Il est mort. Tout ça pour un pari idiot. Faites gaffe avec les paris à la con. Je commence cette émission là-dessus. En plus, une limace, je veux dire, méfiez-vous. Il faut se méfier d'une limace. C'est quand même un escargot SDF, les gars. Méfiez-vous. Elle a perdu sa coquille. Il y a un truc qui va pas. Vous le voyez. Elle est pas fière, la limace. Quand tu la regardes dans les yeux, généralement, elle baisse les antennes. Allez, présentation. Je vous présente tout le monde. On y va. Okay. Il est heureux aujourd'hui car il a enfin reçu le catalogue Jouet Club. Notre réalisateur va pouvoir découper ses idées de cadeaux pour Noël. Il a d'ailleurs déjà découpé sa boîte de jeux. Comme mon petit réalisateur, ou toi aussi, deviens réalisateur à énergie et essayer d'enchaîner les jingles sans les pains et mettre le bon nombre de disques. Un bichette. T'es fait défoncer toi aujourd'hui. Hein. Hier c'était la foire fouille, le mec il a bradé les musiques. C'était hier, il s'est cru sur RMC. Ça y est, hier plus de musique, il était en freestyle. Et aujourd'hui tu t'es fait défoncer, ces bichettes. Voilà. On va applaudir. Non, l'applaudissez pas. Pour Noël. Il voudrait un cadeau chelou. Il voudrait un matelas anti-escar. Oui, vu qu'il reste tellement devant sa console qu'il commence à avoir le cucu tout abîmé. Mon Miko, on te croit, pas besoin de nous montrer. Je te remercie. Miko, que vous pouvez applaudir, qui est là aussi. Bonsoir. Son cadeau de rêve pour elle, puisque Noël se prépare, elle voudrait deux nouvelles doudounes. Je parle pas de sa poitrine, hein. Juste des doudounes neuves pour son fils qui se les fait voler toutes les semaines à l'école, ou sinon un punching ball avec une photo de la personne qui les vole dessus. C'est stouf. Bravo. Tu me diras si l'enquête progresse, hein. Je veux savoir. Ça a progressé. Lui veut juste un cadeau, un abonnement au magazine mensuel Cassoulet mon amour. Il ne loupe pas un seul de ses magazines et il a testé toutes les recettes et ça se voit, c'est mon Jeff. Cette semaine, le numéro 1, le haricot. Et enfin, pour lui, mon chouchou, j'ai moi-même trouvé le cadeau idéal, un foulard. Oh, non, c'est pas pour faire beau, c'est pas pour faire beau, c'est pour le baïonner, pour qu'il se taise une bonne fois pour toutes. C'est mon Bordas qui va gérer le hashtag ce soir et tous les réseaux sociaux. Merci d'être super nombreux à nous suivre. Vous êtes presque 10 millions. Là-dessus sur tous les réseaux. Voici Dadju, c'est sur Énergie. Dans un instant, les champions du monde de l'actu. Vous nous écoutez, vous êtes en voiture. J'espère que tout va bien. Faut respecter quand une lionne arrive à tout gérer. Un de perdu, mais elle s'est retrouvée. Pas besoin d'un homme qui l'empêche d'avancer. Elle a ses règles et sa fierté. C'est pas elle que tu verras mendier. Célibataire ou femme mariée, ça ne change en rien sa façon de penser. Fort caractère, elle sait dire non. Jamais son dernier mot. Nanana. Et tu peux lire sous ses paupières déterminées. Elle agit, elle ne parle pas. Lionne affamée. Si tu lui donnes la misère du monde, elle va tout assumer. Si tu lui donnes la richesse d'un homme, elle va tout assumer. Elle mettra toujours la famille d'abord. Elle va tout assumer. Le genre de femme qui à chaque problème s'en sort. Elle va tout assumer. Lionne. Très bien comment gérer sa vie. Charismatique, magique. Elle est sexy. Elle prend soin d'elle malgré tous les soucis. Elle prend des risques, elle réfléchit. Pas besoin de te demander ton avis. Son objectif, la réussite. Son amour ne connaît pas de limites. Fort caractère, elle sait dire non. Elle va tout assumer. Tout de suite. énergie. Ce soir, il y a incroyable talent à la télé. Il est mort de rire. À la télévision, et souvent, il y a des gens qui ont du talent, mais il y a des gens qui se tapent la honte aussi dans cette émission. Le hashtag de ce soir sur Twitter pour jouer avec tout, hashtag la honte de ma vie en trois mots. Coco nous en a fait une, mais elle est magnifique. En trois mots. Vas-y. Bah, c'est la honte de beaucoup de becs le soir. Trace de pneus. Ça fait trois mots. Ça fait trois mots. Mais la honte de ma vie en trois mots. C'est une belle honte. Hein. Ah ouais, celle-là, ouais. Ouais, mais solo ou il y avait quelqu'un? Non, j'ai pas dit que c'était. C'est un exemple. J'ai pas dit que ça c'était pas vrai. Arrivé, mais voilà. Ça. Jeudi en France, c'est la journée contre le harcèlement scolaire. Oui. Alors jeudi, on voulait en parler dans l'émission, il se trouve que jeudi notre invité c'est Ahmed Silla. On s'est rendu compte que c'est un peu compliqué de faire un sujet un peu sérieux et d'un seul coup de faire de la déconne ou de faire du sérieux au milieu de la déconne. Donc on va décaler la journée du harcèlement, non pas au niveau national, on la laisse jeudi, hein, on n'a pas encore le pouvoir. Oui. Hein. Chèque Manu, tu nous écoutes, mais quand même, on va la faire demain dans l'émission. Ça veut dire qu'en gros, vous nous écoutez, votre enfant a eu des problèmes à l'école, on en a encore en ce moment, vous m'écoutez, vous en êtes victime, 0870 42 48 ou vous allez sur tous les réseaux sociaux, sur par le mail, Facebook, ouais. Coé officiel ou par mail à coé@energie.com. Et demain, on en parlera dans l'émission, comme on a l'habitude de le faire, de façon détendue. Le but du jeu, c'est d'essayer de vous filer un petit coup de main, parce qu'il y a toujours des solutions à tout, mais quand on est victime, des fois, on a du mal à en parler et aux gens. Et de façon anonyme, s'ils n'osent pas en parler. Mais évidemment, si vous appelez Sylvie, on vous appellera Roger, ça passera tout seul. Voilà. Champion du monde de l'actu. Ah. Je l'adore, il est américain, c'est un bagagiste qui avait trop bu, il a voulu faire une petite sieste alors qu'il était chargé de ranger les bagages des passagers d'un vol entre Kansas City et Chicago. Il s'est endormi dans la soute de l'avion, l'avion a décollé, il s'est réveillé 800 km plus tard, les collègues l'ont trouvé au milieu des valises, il dormait toujours. Vous savez qu'il a eu de la chance, hein. Il a eu de la chance, l'avion aurait pu s'écraser. Hein. Ah ouais. Il n'avait pas mis sa ceinture, il n'avait pas relevé sa tablette, il n'avait pas relevé son siège. Moi, je fais partie des gens qui pensent que si ta tablette n'est pas relevée et que ton siège n'est pas relevé, l'avion peut s'écraser. Ah bah oui. Pour ça que l'hôtesse, elle vient toujours, elle dit monsieur, relevez votre siège. C'est ça, ouais. Relevez la tablette. Moi, je me dis toujours, si je ne le fais pas, l'avion il s'écrase. C'est à cause de ça. Mais bien sûr, c'est ça. À cause d'une tablette, des fois on cherche les terroristes, c'est bien moins compliqué que ça. C'est une tablette. C'est quoi ta musique? C'est la marche des bisounours? Ok, on en parlera après. J'aime bien, moi. Autre champion du monde, les influenceurs d'Instagram, la nouvelle mode, vous savez ce que c'est? Le rainbow teeth, vous avez entendu parler le ou pas? Rainbow teeth. Non. Vous vous coloriez toutes les dents en couleur arc-en-ciel. Une dent, une couleur différente, vous prenez une photo, voilà, et vous avez l'air d'un con. Là-dessus, vous mettez hashtag rainbow teeth, code promo, moins 10% en mettant Benjamin Castaldi, vous mettez ce que vous voulez. Et donc vous ou Capucine. Oh non, laisse-la tranquille. Non, elle fait que 3 par mois. Je l'embrasse, elle nous écoute. Elle fait que 3 postes promo par mois. On a compté la semaine dernière, elle était déjà à 4. Elle va te rappeler, t'es gâté. Et donc voilà, vous avez les dents de toutes les couleurs et vous prenez une photo. C'est pas super beau. Ouais, non, c'est pas super beau. C'est le sourire Skittles, ouais. En fait. Oui, c'est, ouais, ça. C'est ça. Vous vous souvenez des bombes ou caca de licorne, c'est au choix. Super champion du monde. Champion du monde toute catégorie, le lait en poudre Gallia. Une habitante du Val-de-Marne a découvert une larve vivante dans une boîte de lait en poudre Gallia. La petite a failli la manger. Vous remarquez, dans le biberon, ça ne serait jamais passé. Oui, ouais, et compliqué. Donc chez Gallia, ils essaient de savoir, ils n'en savent pas plus pour l'instant. C'est fort, non? Bientôt, ils vont lancer un nouveau lait en poudre chez Gallia. C'est quoi? Le lait Koh-Lanta. Comme ça, si le petit de 2 ans, il mange de la larve avec son biberon, il a le collier d'immunité, il peut faire des folies, il peut aller se coucher à 20h10. C'est possible comme ça. Vous allez voir, ils vont y penser, les mecs de chez Gallia, ils font « Oh, on savait pas comment s'en sortir, merci. » Voici Jane. To look down at you. Things gonna be on board. I'm not angry with you, boy. I just really wanna move on. Things gonna be

Des nouvelles de Nikos. Nous aurons le zap télé de Miko avec un petit peu de. C'est quoi Miko? Ouais, je vous résume en trois mots: caca, prout, crotte de nez, voilà. À la télé. À la télé dans différentes émissions. D'accord. Voilà. Il y a ça. Il y a ça, je vous fais un best-of. Quand je vois des fois ce qu'on nous reproche. Enfin bon, ouais, c'est voici. Ah, bah là, tu vas halluciner. Écoutez-moi bien, je vais commencer par un truc officiel. Les médecins ont tendance à déconseiller, est-ce que vous le saviez, la pratique de l'épilation intégrale du pubis. Oui. Alors, c'est une nouvelle mode, mais les médecins disent que les poils dans cette zone réduisent les frictions et constituent une barrière naturelle contre les IST. IST, c'est infection sexuellement transmissible. Oui, c'est ça. Oui, je suppose que c'est pas information, hein, information sexuellement transmissible. Non, ça veut rien dire. Bonjour, ici votre pubis, il est 20h. Ça n'a rien à voir avec la police, hein, je suis de l'IST. Non. Je suis de la maison. Bon, en tout cas, il y a un magazine Daily Star qui a pris 5 stylistes et 3 médecins. Ben, ils ont vraiment trop de blé. Pour établir le classement de la coupe idéale. 5 stylistes, 3 médecins. Wow. Cinquième position. Non, enlève ta musique. Non. Ah bah, top 5. Oh, top 5. Désolé. Cinquième position. Le mammouth laineux. C'est quoi ça? C'est comme ça qu'ils l'ont appelé. Qui consiste à laisser la zone velue et hirsute telle que la nature l'a voulu. Ah. Et celui-là est bon dernier. Quatrième, le monsieur propre. Vous l'aurez compris, c'est le rasage intégral. Troisième, la fameuse coupe en brosse. La coupe, ah oui, le rasage court et uniforme sur toute la surface. Le militaire. Ça pique, ça. Oui, il paraît que ça pique, oui. Deuxième, la coiffure périmètre large qui serait un rasage étendu sur toute la longueur de la zone pubienne, du haut des cuisses jusqu'à l'aine. Alors là, c'est... Ouais, loin, là, c'est un short virtuel. C'est-à-dire, vous êtes tout nu, vous avez un short de 100 poils. Périmètre, quoi. Et toi, ta femme dans la glace, elle dit: t'as gardé ton caleçon? Non, justement. Je me suis fait un caleçon de rien. Et le numéro 1, la boule de billard qui consiste à ne raser, écoutez bien, que la peau en dessous. Je vous dis pas le truc, oui, hein, oui, en dessous. Bah, oui. Ça veut dire, vous laissez au-dessus, mais en dessous, vous faites tout doux. Mais c'est moche. Ouais, mais c'est comme ça, j'y peux rien. Et ça, c'est numéro 1 de la tendance. Hein. Et moi, je dis, dans un souci éco-responsable, j'ai envie de rajouter: gardez tous vos poils pubiens, demandez à votre grand-mère de vous faire un pull. Ben voilà. Comme ça, c'est chaud, c'est à vous, on n'ira pas faire chier des moutons, ni des lamas, ce sont vos poils à vous, et personne vous interdira de vous gratter le pull devant la télé. Oh, ouais, c'est le premier pull qui sentira la crevette. Hein. Oh non. C'est de trop. C'est de trop. C'est de trop. J'étais resté dans l'élégance, c'est de trop. Bienvenue tout le monde, dans 3 minutes, 17h30, dans 3 minutes, peut-être 10 000 euros. What the hell do you mean I've got to wait in line? This is complete and total bullshit. If I show you my tits, will you let me in? Just take another drink with me. Thanks. Later, bitches. Bitches. Bitches. sur Énergie. Merci d'être très nombreux à être avec nous. Je dirais simplement... La République, c'est moi. Voilà. Bienvenue sur Énergie. Je rappelle que... Ça, je l'avais oublié, mais ça me fait toujours rire. Une fois de temps en temps, je me fais un petit La République, c'est moi. C'est moi, ça fait du bien. Je l'ai mis dans mon téléphone. Je suis chez moi, je prends ma douche, j'entends La République, c'est moi. Un plaisir. Avant de vous offrir de l'argent, sachez qu'on est dans les tendances France sur Twitter. Ouais. Avec le hashtag La honte de ma vie en trois mots. Vous pouvez nous le mettre numéro 1. La honte de ma vie en trois mots. On le fera dans un instant. On aura le temps. On aura le zap télé de Mico. Mais j'ai envie de vous offrir des sous. Vous avez tous votre enveloppe? Oui. Oui. J'ai distribué une enveloppe de 2000. Une de 50, une de 10, une de 100, une de 2000. Et une de 200. Vous me trouvez la bonne enveloppe et vous reprenez à nouveau 10 000 euros. Et alors là, j'envoie. J'appelle le, vous savez quoi? J'appelle le SAMU directement. Je les envoie à l'étage de la compta. Nous appelons un garçon qui s'est inscrit au 7-10-12 en mettant Coé devant. Il s'appelle Thomas. Comment ça va, Thomas? Oh putain, salut, ça va? C'est mon surnom, mais bon, dans les. Appelle-moi Coé. Entre amis, quoi, vraiment, quand il est tard. je préfère Coé. Je vois que tu dis, oh Coé. On se connaît pas assez. Comment ça va, Thomas? La vie est belle? Ah bah, du coup, là, ça va mieux, ouais, ça va super bien. Tu habites où, Thomas? Je viens de Bordeaux. D'accord, est-ce que tu as une chérie? Oui. Qui s'appelle comment? Elle s'appelle Clara. Eh bien, ah, Clara, comme. Oui. Non, enfin, je regarde non, pas. Non. J'ai un truc qui m'est venu en tête. Mais je ne regarde pas. Non. C'est Clara, le calendrier. Alors, tu me trouves la bonne enveloppe. Il y a Stouff. Il y a Jeff. Il y a Bichette, notre réalisateur, qui depuis tout à l'heure se gratte parce qu'il compte tous les nombres de disques qu'il y a dans l'émission. Parce qu'aujourd'hui, ça a été sa fête. Il y a Bordas, il y a Mico, il y a moi-même. Trouve la bonne enveloppe et gagne jusqu'à 10 000 euros. Je croise les doigts, Thomas. Je dirais Jeff. Ouh, quel bon choix. Oh, l'autre, ça va les chevilles. Ouh là là. Oh, le melon. On l'a dit Homer Simpson. Attention, ouverture de l'enveloppe, vite, on écoute quoi après? Balou. Kenji. Ensuite, on aura le zap télé de Mico. Bon, pourquoi tu fais cette tête-là? Mais je fais une tête normale, pourquoi tu... Quoi? Je regarde... Non, c'est vachement bien. C'est un bon gros resto, c'est 200 euros. Ah, super, trop bien. Bien vendu. 200 euros pour Thomas, comme voilà, ça. Thomas. Tu invites Clara au restaurant, je te fais un gros bisou, je t'embrasse Thomas. Merci beaucoup, passez une bonne soirée. A bientôt Thomas, tu nous rappelles quand tu veux et puis surtout tu nous écoutes tous les jours, je compte sur toi Thomas, d'accord? Ah bah oui, de toute façon, ça c'est clair. Je t'embrasse mon ami, à bientôt. Tu fais quoi dans la vie? Je suis un informaticien. D'accord, ingénieur informaticien. C'est fini, c'est trop vieux, voici Kenji. Depuis qu'on est des mômes, mon ami l'on a ramé. Maintenant qu'on est des hommes, les rames je veux ranger. Si te viennent des larmes, viens donc me les donner. Les gitans, les gitanes, c'est pour ça qu'on est fait. Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, je suis là pour le pire. De toi, se moque aussi de moi. Dans 20 ans, tu verras, on en rigolera. Si ça part en bagarre, on jouera quatre mains. Les gitans, les gitanes, Dieu nous donne à des points. Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, je suis là pour le pire. Copine qui part, mais ne reviendra pas. C'est du temps pour se voir, oui, pour qu'on parle de toi. Si ton cœur est en panne, apporte-le dans l'heure. Les gitans, les gitanes, on est bons bricoleurs. Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire, mais mon Tiago, sur Énergie. Jeudi, journée française, journée mondiale ou journée nationale? Journée nationale, je crois. Pour lutter contre le harcèlement scolaire, oui. Jeudi, nous, on a Metsila, donc on décale l'émission à mercredi. Donc demain, j'ai envie d'ouvrir l'émission à vos témoignages. Vous êtes harcelé à l'école, vous êtes jeune, donc par conséquent, vous l'avez été. Vous êtes moins jeune ou vous êtes les parents et vous êtes en train de nous écouter d'enfants qui ont des problèmes à l'école, vous l'avez appris tardivement ou même vous ne savez pas. Appelez-nous 0870 42 48 coé@energie.com ou sur tous nos réseaux sociaux, mon Facebook, Coé officiel et tout. Vous laissez vos messages, toute l'équipe vous rappellera. Voilà, demain on continuera de s'amuser comme d'habitude, mais ce sera important d'en parler. Nous sommes numéro 2 TT France avec le hashtag Monsieur Bordas. La honte de ma vie en trois mots. Allez, vas-y. Alors, on a Mehdi qui nous dit très simple, elle est petite. Toi, tu as tweeté, hein, t'as mis mes nouvelles lunettes. Non. On continue. Il y a Marcus Phoenix qui nous dit hashtag la honte de ma vie en trois mots, érection, infirmière, lycée. Ah bah oui, ça. Ah, je vois le genre, Ah oui, nous les hommes, ça se déclenche jamais quand on veut. Bah quand on veut, ça vient pas, puis des fois on voudrait pas, ça vient. Exactement. Ah, c'est bizarre. On a Mayama aussi qui nous dit désolé, paiement refusé. Ça, quand t'es avec ta copine au restaurant, c'est honteux. On en fera d'autres tout à l'heure. Miko, télévision, il y avait quoi de beau? On se fait un spécial crado aujourd'hui dans le Zap et on commence avec cette candidate de l'amour et dans le pré qui goûte un bigordeau pour la première fois de sa vie. Enfin, je vais quand même en goûter un cru quand même. Ah. Pour vraiment le goût que ça, parce que la mayonnaise, ça couvre tout, je m'en rends pas compte. Alors cru, ça me fait penser un peu à une crotte de nez. Oh, mais arrête. Bah, il a raison. Non, bah, enfin, il a un peu raison. Le bigorneau sur le badigeonne de mayonnaise, c'est qu'il y a une raison. C'est sans rien, c'est quand même pas ouf. Non plus. T'as déjà vu des enfants qui rentrent de l'école, fait maman, t'as racheté des bigorneaux, j'ai faim. C'est rare. C'est rare. S'ils prennent des pépitos, c'est qu'il y a une raison. On va aller à la classe, on a le cran de donner. On continue. Bon, l'amour est dans le prix toujours avec ce couple qui fait ses courses, tout simplement. Faut du cassoulet. Toi, en fait. T'aimes bien l'ail, toi? Ouais. Je vois ça. Tout ce qui fait péter, en fait. Moi j'adore l'amour est dans le pré parce que c'est tous les trucs les plus crado, mais comme c'est couvert par le fait qu'ils seront cultivateurs machin, tout passe. On met une petite musique derrière genre pam, pam, pam, pam, pam, et tout le monde rigole. C'est vrai, ça passe, ça passe. Ça fait rire. Une autre. Alors on termine avec le gars le plus classe du monde, c'est dans C'est mon choix et c'est pas Georges Abitbol. Ça faisait plusieurs jours qu'on se fréquentait et je suis à l'autoilette. Enfin, elle est allée aux toilettes et elle m'a dit de venir avec elle. Et j'ai dit mais tu vas tourner toute seule. Elle m'a dit mais tu m'accompagnes et elle a fait caca à la porte ouverte. Alors on est parti à la pêche avec son père, on a mangé des pizzas et j'ai eu envie de faire caca. Et du coup, je suis allé sur le bout du ponton mais ça bougeait trop. J'avais peur de tomber à l'eau, du coup j'ai pris la boîte à pizza et j'ai fait caca dedans. Allez, la spéciale calzone. La 3 fromages c'est pour qui? La 3 caca. Allez, chaud, chaud devant. Attention, je tâche. Vous n'avez pas pris la Nutella? Quelle horreur. Mais surtout, ce que je comprends pas, c'est comment tu peux prendre ta voiture, faire des heures de voiture, t'arrêter dans un studio, te mettre devant une caméra et dire t'as chié dans une boîte à pizza. Et après, tu rentres chez toi et tu mets toute ta famille, tu dis ce soir, je passe à la télé. Hein. Hey, vous me regardez. Hein. Hey, vous regardez, hein, je raconte une histoire de pizza, vous allez halluciner. Bienvenue sur Énergie, tout le monde. Merci d'être là. Dans un instant. Oh, c'est drôle. Je mangerai plus une pizza de la même façon, je vous le dis. Suéltate el pelo y salta de la cama. Estamos ready, la noche muy larga. Así que vamos a quitarnos toda la caña. Si tú estás bien, habla portugués. Conmigo mujer y si no pues tú no ven. Esta noche yo voy a hacerme con el parque. De noche me floco como Yandé. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame. La gente mecha. Bogotá para un real y voy a balanzar. No llego todos a Vitoria y en el oriente. Todo quiere fiesta y bailar. La gente mecha. La gente quiere fiesta y rumba, ya la vea, quiere un ritmo sin ley. El papi pura. Vamos a romper la frontera con un olé. Yeah. Estamos de Colombia hasta Portugal, de España a Brasil hasta Panamá. Puerto Rico también lo sienta. Vacilar con tus amigas en el barrio, guaraná, rumba y tequila, déjate la tres mamacita, todo el mundo quiere, toda la mami no quiere, sé que prefiere, mami tu huevo no miente, la gente mecha, Bogotá para rumbear y voy a balanzar, no llego todos a Pitura y en el oriente, todo quiere fiesta y bailar, la gente mecha, la gente quiere fiesta y rumba, ya la vea, quiere un ritmo sin ley, el papi pura, vamos a romper la frontera con un olé, yeah. Vamos de Colombia. Vamos de Colombia hasta Portugal, de España a Brasil hasta Panamá, Puerto Rico también lo sienta en Venezuela que lo muevan. Vamos de Colombia hasta Portugal, de España a Brasil hasta Panamá, Puerto Rico también lo sienta en Venezuela que lo muevan. Sur Énergie. Il sera avec nous vendredi. David Guetta fera partie des invités qui seront avec nous dans le Super Before en bas des marches à Cannes, puisque l'émission se fera en direct de là-bas. Je crois que vous allez halluciner cette émission. Je n'ai jamais eu autant d'invités dans une seule émission. On ne sait même pas comment ça va tenir. Oui, c'est dur. Je vous l'ai dit, on va y aller. On pousse à pousse. Je serai à la porte. On va pousser comme ça, mais tout rentrera. Allez, les gars. Tout rentrera. Qui dit Energy Music Award dit Nikos. Vous avez fait le lien avec. On est en train de faire la connexion là avec Nikos. Je crois que c'est bon. Arès, Artemis, Céphélis, Céphéta, Salaki, Sobonlet, De Bourbis. Allô ? Salut Nico, c'est Energy là. Qu'est-ce que vous faites ? Ah, ça va les loups ? Ça va. Je prie les dieux grecs pour pas qu'il pleuve à Cannes ce week-end, les loups, parce que j'ai regardé la météo, c'est pas gagné. Mais si, on a vu la météo, ça devrait aller. Hein. Ouais, mais enfin, sinon, faites l'émission de chez moi. J'habite dans un centre point soleil, vous êtes les bienvenus. Non, ça va aller, merci. Sinon, vous, ça va ? Ça se prépare, les NMA ? Easy les loups, easy, j'ai le temps de me faire des selfies. Je suis en train de faire le récap des billets d'avion des stars. Alors attendez, j'ai tout entre les mains. Vous voulez pas récupérer les billets de Christine and the Queen ? La vient pour rien, je l'adore, mais samedi, c'est pas les Bobo Music Awards. Commencez pas à lâcher les dos, hein, Nikos. Non, mais je lui laisserai du quinoa, mais je révèle rien du tout. Elle a autant de chance sur Energy Music Awards que Mimi Mathieu au son en longueur des Jeux Olympiques. Bon, je vais vous laisser, les loups, je vous laisse, j'en dis pas plus. Ça va être une émission formidable, ça va être incroyable, je serai là. Je vous laisse parce que Zazie vient d'arriver sur les marches du palais du festival. Déjà, pour la cérémonie ? Non, pour passer un coup de balai avant l'arrivée des stars. Non, je vais vous dire, il faut que ça brille. Non, non, non. Salut, tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. So hardcore.

T'imagines, c'est la dernière fois qu'il tire un coup, en fait. C'est la merde, dans tous les sens du terme. Je pense que c'est la dernière fois. Bienvenue sur Énergie, dans un instant, la compile du gasoil. Puisque je vous rappelle que maintenant, c'est de plus en plus cher, ça devient un produit de luxe. Qu'est-ce qu'on écoute, Bichette? Ah, des trois cafés gourmands. Ah, faisons-nous plaisir. T'as mis tous tes disques? Oui. T'as mis tous tes titres? Je crois que c'est bon, là. Je te préviens, sinon, je compte à la fin. Je crois que c'est bon. Ouais, j'ai misé sur toi. T'as tout misé sur moi? Je te préviens, j'ai mis une caution sur ta tête. Je t'ai ma police. Tu es en liberté sous caution. J'ai mis une prime, j'ai payé ta caution. Alors fais très attention. L'horreur. Bienvenue sur Énergie. C'est Coé, c'est le Bifor sur Énergie. Comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père? Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle? Oublier qu'on est frères, belle Corrèze charnelle. Oublier ce matin que tu es parisien, que t'as de l'eau dans le vin, que tu es parti loin. Ce n'était pas ma faute, on joue des fausses notes, on se trompe de chemin et on a du chagrin. On se joue tout un drame, on a des vagues à l'âme. Tu as du mal au cœur, tu as peur du bonheur. Acheter des tableaux et des vaches en photo, c'est tout ce que t'as trouvé pour te la rappeler. Vous me trouvez un peu con, n'aimez pas ma chanson. Vous me croyez bizarre, un peu patriotard. Le fruit de ma réflexion ne touchera personne. Si vos pas ne résonnent jamais dans ma région, c'est pire qu'une religion, au-delà d'une confession. Je l'aime à en mourir pour le meilleur et pour le pire. Et si je monte au ciel, y aura peut-être Joël, Guillaume et Jérémy et mon cousin Pidry. Johan sera en voyage dans un autre pays. Allez, fais tes bagages, viens rejoindre tes amis. On veut du Claudie Musette à en perdre la tête. On veut un dernier Chabrol, un petit coup de gnoll, les yeux de nos grands-mères, la voix de nos grands-pères, l'odeur de cette terre. Plus sur les monnaies d'hier, c'est pire qu'un testament. Joli coin de France, enterrez-nous vivants. Bayonne s'il le faut, mais prenez soin avant de remplir notre jabot. La relève est pour toi, notre petit Lucas. On te laisse en héritage, la piste nous on dégage. Le temps nous a gâtés, on en a bien profité. On a des souvenirs en tête, ce soir faisons la fête. Il y a bien une chose que j'aime, plus beau que la Corrèze. Soyez sûr dans le tunnel, oui j'ai Coé. L'écouter tous les soirs, j'ai les oreilles qui frisent. Attention au traquenard, il a une équipe débile. Je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fier. J'ai la Corrèze en cathéter. D'être avec vous ce soir, j'ai le cœur qui pétille. Mimi, serre-nous à boire. On a les yeux qui brillent. Dans 3 minutes, l'émission en public, en studio en public. En bas. C'est Coé, c'est le Bifor sur Énergie. Notre hashtag est toujours numéro 2 TT France. Exactement. Vous me le mettez numéro 1, s'il vous plaît, monsieur Bordas. Vous appelez okay. Twitter, vous appelez Jean-Paul Twitter, c'est son prénom. Vous le mettez numéro 1, on y va car on en fait quelques-uns et après j'ai la compile du gasoil. Alors, hashtag la honte de ma vie en 3 mots, il y a Fabien qui nous dit insulte, étranger, comprend. Ah, il a insulté un étranger en français et en fait le gars comprenait. Ça, c'est terrible. Ah quand là tu veux faire le malin et que tu crois que le gars il te comprend pas, il fait je parle très bien français, monsieur. Ça, c'est terrible. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé une fois aux États-Unis, je voulais faire une vanne, ils étaient québécois devant moi, ils ont tout compris. On a tout entendu. Hein. Ah, je m'en souviens. Mais t'étais là. Mais si, je m'en souviens très bien. Adieu, un groupe de vieux. C'était pas très élégant. On a dit alors les vieux, on entend un tour, on comprend un tour. Encore, hein. On est francophones. On était assez, mal. Vite, un dernier. Il y a Amaury qui nous dit un classique, masturbation, mère, chambre. Je tiens à vous dire. Je tiens à vous dire qu'on a tourné avec Maxime Guény à qui on fait un bisou. On a tourné tout à l'heure un spécial animateur avec des moments de gêne à la télévision. C'est un Mico et Coco spécial vidéo donc de télé qui sera mis sur notre chaîne YouTube. Dimanche 18h. Et vous allez adorer parce que nous, on a beaucoup de gars. Il y en a.

le public. Hein. Que nous recevons le commissariat de police du 16e arrondissement. Bienvenue les amis. N'oubliez pas, vendredi ça va être magique avec David Guetta qui sera là. Jane sera là aussi. Vendredi, il y aura Amir, il y aura Big Flo et Oli qui seront nos invités pour l'émission en public. Il y aura Aya Nakamura qui sera là. Eh ouais, Jaja. Il y a pas moins. Il y aura VG Dream. Il y aura Dua Lipa qui sera notre invité vendredi. Il y aura Jennifer, il y aura plein de surprises. Évidemment qu'il y aura Maître Gims. Dis-moi pourquoi tu fuis, toi, qu'est-ce que je suis, Nicolasson. Et il y aura Kenji qui sera là. Qu'est-ce qu'il y a, Jeff? Pourquoi tu fais cette tête-là? Je sais pas, ils sont bizarres les deux, ils sont qu'est-ce très proches en ce moment. L'équipe, je vous fais un bisou, vous avez été très bien dans la première partie d'émission. Me foirez pas la deuxième, merci. J'adore ce truc féminin. Dans l'émission, le public va bien? Vous êtes en forme? Ça va? Trop peut-être. Nous aurons tout à l'heure l'appel promo d'ici quelques minutes. Nous appellerons un magasin que nous n'avons jamais appelé. Qu'est-ce que c'est? Un magasin, j'ai envie de dire, haut en couleur, comme on dirait sur les radios plus adultes. Nous irons chez... Haut en couleur, vous devriez déjà... Ouais, moi je l'ai, moi. Mais c'est un magasin olé olé? Non, non. Magasin peinture. Couleur chelou. C'est comme si toute la peinture de Leroy Merlin était tombée sur ta robe. Desigual. Dans un instant, nous appellerons un magasin Desigual, voir s'ils peuvent faire notre promo et dire que nous sommes de retour sur Énergie. Nous parlerons d'une bagarre pour des champignons. Oui, on peut se foutre sur la gueule pour des champignons. Bah oui. Et puis pas hallucinogène, hein, du champignon à omelette. Hein, du champignon de taille, quoi. Classique, quoi. Ouais, non, pas du champignon, mais du cèpe, je crois. Du cèpe. C'est un peu plus cher, mais pas non plus de la truffe. Pas dingue, quoi. Nous aurons tout à l'heure le balance ton pote avec quelqu'un qui fait un truc pas bien aux barrières de péage. J'ai déjà regardé le dossier. Nous parlerons du championnat du monde de pull moche qui est de retour. Il y a déjà eu une première, un truc l'année dernière, une première cérémonie. Tout à fait. On devait y envoyer Jeff. Un premier championnat, oui. Il y a eu. Et on ne l'a pas fait, et donc je suis en catégorie. Vous avez croisé Pietre aujourd'hui? Ah oui, mince. Ah ouais, il peut participer. Hein. Pietre, c'est notre auteur qui était souvent avec nous. Mais ah Pietre, oui, il avait un pull vraiment. On peut l'envoyer tous les jours. À gagner. C'est-à-dire que les mecs, ils peuvent faire le championnat du pull moche sans prévenir. Au dernier moment, on a un candidat chez nous. Toujours prêt. On aura le Sony Xperia XZ3 à vous offrir avec le. Avec Énergie Mobile, plus un forfait annuel de 50 gigas. Oui. Et jeudi, nous ferons gagner 20 ans de forfait de téléphone. Et je sais que vous qui nous écoutez, le téléphone, c'est souvent, peu importe l'âge, hein, que tu aies 20, 30 ou 40 ans, à un moment donné, le téléphone, c'est une tannée, il faut payer. Mmh. C'est assez cher et ça monte vite. Eh bien, je vous offrirai jusqu'à 20 ans de forfait. T'auras quel âge dans 20 ans? Je 29 ans. J'ai dit ça de tête. Hein. Je vais faire un petit calcul rapide. Je vous lis quelques-uns des messages. Oui. Monsieur Bordas, pendant que je prends tous les messages des réseaux sociaux, est-ce qu'on est toujours dans les TT France? On est toujours numéro 2. Qui est devant nous? C'est relance ton vieux slogan. C'est un truc qui marche. On aurait dû faire ça. On va l'engager, la personne. Et le mec qui a fait ça, je prends le commande. Ouais, on va passer au-dessus. C'est quoi le nôtre? C'est la honte de ma vie en trois mots. Tu m'en fais un drôle. Vas-y, sois drôle tout de suite. Un drôle? Il y a un mec qui a mis une photo de Macron et qui a mis la honte de ma vie en trois mots. Vote, deuxième tour. Il est drôle. Si, c'est pas mal. Je ne comprends pas. Moi non plus. Parce qu'il a été obligé de voter pour Emmanuel Macron. Voilà. C'était Emmanuel Macron contre Marine Le Pen. Donc Il n'aurait pas eu honte, non. J'ai compris. Alors, j'ai plein de messages, je vous les lis. Alors, il y a un message de Jet Giftoi qui me dit: salut Koé, est-ce que t'as pas déjà fait ce genre de canular? Ah oui, c'est le truc, c'était dans TPMP, c'est le truc d'hier, j'ai vu passer ça sur les réseaux sociaux. Oui. De Maxime Guény, tu sais, où les mecs disent: est-ce que vous aimez? Les gens disent non, on l'aime pas. Ah, le haters. Et il arrive derrière. J'ai vu passer plein de messages comme ça, et moi j'ai même mis une petite réponse, et j'ai mis un petit smiley derrière. Tu l'as bien chambré ce matin au tournage. On a tourné un truc avec Maxime Guény, et je lui ai dit, plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Non, mais alors, je vais vous dire un truc. Je ne suis pas responsable. Je vais vous dire le fond de ma pensée. Je m'en contrefous, parce que c'est même pas de la copie. Chacun va dire ouais, y en a qui... Moi je pense que tout le monde a le droit d'avoir des idées. YouTube regorge tellement de talents en France et dans le monde que si tu as une idée, que tu penses qu'elle est bonne, y a un type à l'autre bout du monde ou à l'autre bout de ton village qui l'a déjà fait. Ouais. Donc qu'on refasse un truc que moi j'ai déjà fait, il y a peut-être des gens qui l'ont fait avant moi. Franchement, ça m'amuse beaucoup. Ouais, sauf que là on n'est pas à l'autre bout du monde, quoi. Oui, mais franchement, c'est plus proche. Puis Maxime, je l'aime bien. Non, j'ai aucun souci là-dessus. Voilà, ça me fait plaisir. C'est un hommage. Il y a Jet du 62 qui me dit: c'est pas possible de m'entraîner avec vous. J'étais en train de faire du développé couché, j'ai pouffé de rire. #docteur d'enfer Koé. Il y a beaucoup de gens qui m'en ont reparlé de cette séquence hier. Je trouve que je ressemble au docteur d'enfer. N'importe quoi. Alors, vous avez été nombreux à vouloir m'expliquer les 50 gigas du forfait téléphonique. Oui, que tu comprends. Eh ben, pas. J'ai toujours rien compris. Il y a Larry qui me dit 1 giga, c'est 1000 mégas. La quantité de données téléchargées via Internet, pour par exemple citer les sites web, ont une mémoire temporaire. Et c'est elle qui est comptabilisée dans les forfaits, pas la mémoire dure de la machine. On t'a perdu déjà. Orkan dit 50 gigas fois 12 mois fois 20 ans, ça fait 7200 gigas, soit 7 teras. Les vidéos consomment énormément, du coup, tu risques d'avoir du mal à tenir un mois complet en regardant 4 épisodes par soir. Ok. Brice Didier dit désolé les gars, 50 fois 20, ça fait 1000 gigas, soit 1 tera, pas 10 000. Okay. Non, je vous dirai un truc officiel, ne m'aidez plus. Merci beaucoup, parce que j'ai encore moins compris. Message de Siao qui me dit stouf, hâte de vous retrouver avec l'équipe de Koé, trop dur la reprise, avec vous ça passera mieux. Bah merci beaucoup. J'aime bien cette phrase. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Un message que je n'ai pas compris. Sidri me dit les pilons de poulet en sachet, appelez-moi. Ah, j'aime pourquoi bien, d'accord. Ok. Ouais. Bon. Aude, bonsoir, je me présente, je m'appelle Audrey, avec mon mari, nous avons un club libertin en Moselle. C'est quoi, et on aimerait t'inviter. On aimerait savoir si tu pouvais venir mixer un soir. C'est vrai. Mais bien sûr. À poil. Bah bien sûr. Après, je fais la première partie des Black Eyed Peas et je vais mixer au 5 contre 5. D'accord, avec plaisir. Le double fond. Ah bah bien sûr. Mais avec grand plaisir. Ça, c'est une carrière. On y va directement. Karine qui me dit salut, cette semaine, je suis du soir, donc je vous écoute en direct. Ensuite, j'écoute le Rico Show. S'il y a moyen que Koé me fasse un petit bisou en direct, ça me ferait plaisir. Ça me redonnerait le moral. Je te fais un gros bisou. Si j'ai pas le titre, t'as pas le temps, je comprendrai. Mais Karine, je te fais un gros bisou. Voilà, Titi qui me dit salut Koé, je suis Steven, animateur radio sur TSF 98, quand la radio associative, j'anime C'est que de la radio le jeudi 19h-21h. J'ai 30 ans, je souhaite très longtemps devenir animateur radio, je suis vraiment fan de toi. Ah bah si tu veux faire comme moi, deviens chauve mec. Je suis venu sur le plateau de la méthode plusieurs fois, je t'écoute à la radio, j'ai eu la chance de faire des photos avec toi. Merci Koé, toi t'es le meilleur, c'est gentil, je te fais un gros bisou Steve. Voilà, puis il y a plein d'autres messages, on m'en lira tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on écoute Bichette? Georges Ezra. T'as vu comme il est prêt? Il est sur le coup, bah hein, oui. Peur, hein. Il a reçu un super mail. T'as peur du docteur d'enfer. En plus, le patron est là, je vais rien faire là. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator. Gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. Parler de deux moments incroyables que je viens de vivre. D'abord, Stouf qui vient d'embrasser l'intégralité du public un par un.

La cueillette des cèpes a fini en bagarre générale dans le Lot-et-Garonne. Que s'est-il passé ? Pourquoi en sont-ils venus à se foutre sur la gueule en bagarre générale pour 3-4 champignons ? Je mènerai l'enquête tout à l'heure. Mais puisque j'ai mis cette musique chelou, Stouff, où en sommes-nous du vol de blouson de ton fils à l'école ? Oui, je rappelle les faits. Et le fils de Stouff s'est fait voler sa doudoune hier. Oui. C'est le quatrième blouson depuis la rentrée, ce qui fait beaucoup quand même. Alors, qu'est-ce qui s'est-il passé ? Est-ce qu'on en sait plus ? Bah, visiblement, un petit garçon a ramené deux manteaux. Allez ! Deux sur quatre, on en est. Il a justifié quoi ? Qu'il s'était trompé ? Qu'il aimait avoir chaud ? Je sais pas, il a rien dit. Ah, on va le taper. Ça va pas, non ? Il est fou, lui. Non, on va taper des enfants. On va le juger déjà. Ce sera toi. C'est que tu fais la même taille, mais bon. Oui, parce que fais gaffe, parce que c'est lui qui peut t'en mettre une borne. À 7 ans, il peut être beaucoup plus grand que toi. Qu'est-ce que c'est ? Je rappelle ton fils ? Bah, il est là. Ça va, mon grand ? Oui ! Oui ! Il y a toujours un petit décalage. Ça va, t'es toujours sur énergie. Hein. Là, attention, tu deviens la star. Tout va bien ? Oui ! Bon, est-ce que... Oui ! Tu sais qu'on est Winnie, non ? Il aurait déjà perdu deux fois. Oui ! Est-ce que on t'a ramené les blousons, alors ? Oui ! Garde ton calme. Dis autre chose. Il va craquer. C'est un petit garçon qui te les a ramenés ? Oui. Comment ? Est-ce que c'est un petit garçon qui te les a ramenés ? Oui. Non, j'en sais rien. Ah, mais qui les a ramenés alors ? Je sais pas. Mais quoi, ils ont réapparu spontanément comme ça d'un coup ? Ils ont réapparu ? Par magie. Non ! Quelqu'un les a ramenés ! Oui, mais je le connais pas. Ah, et tu les as retrouvés où ? Dans un caddie. Il y avait une étiquette avec un prix. Dans un caddie. Donc finalement, tu as retrouvé deux blousons. Oui. D'accord, bah, je te fais un gros bisou, d'accord ? Moi aussi, Cocoé. Cocoé. Est-ce que maman te donne à manger ? Maman t'a donné à manger cette fois-ci, c'est bon ? Ah, j'ai pas mangé encore. Bah oui, il a rien. Il y a rien dans les placards. Depuis combien de temps tu n'as pas mangé, mon grand ? Une semaine. Oh, C'est horrible. Je te fais un gros bisou, je t'embrasse. Moi aussi, Koé, je t'aime. Oh, c'est mignon. Suce-boule. Ah, lui, il veut un cinquième blouson. Dans un instant, nous appellerons un magasin des Égaux. Dans un instant, nous aurons vous tous au téléphone. On se prendra une salve d'auditeurs au 0870 42 48 qui nous raconteront les choses les moins romantiques qui leur sont arrivées. Et je vous rappelle que jeudi, on aura Ahmed Silla. Que jeudi, en théorie, c'est la journée contre le harcèlement à l'école. Oui. Et nous, on le fera demain. Vous avez été victime d'harcèlement à l'école, vous êtes jeune, vous êtes parent, vous êtes maman, vous écoutez l'émission. Koé@energie.com, vous témoignez. Demain, on en parlera naturellement dans l'émission. Voici Calvin Harris sur Énergie. Sam Smith. Are you drunk or not? Now to judge what I'm doing. Are you high enough to skills that I'm ruined? 'Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? 'Cause we're free to love, so tease me. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight, magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight, I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight, magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight. You acting tonight. Is it loud or no? 'Cause my body is calling for you, calling for you. I need someone to do the things that I do. I'm here. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight, magic is in the air. There ain't no science. lion's head, so come get your everything tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything tonight. Tonight. I can't do golden rings, but I'll give you everything tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything tonight. Tonight. 17h, 20h. C'est Coé sur Énergie. Toute l'équipe est là. 0870 42 48 grâce à Énergie Mobile, un Sony Xperia a gagné un forfait de 50 euros. 50 mégas. Dans un instant, on est toujours de numéro 2 TT France qui est magnifique. Ouais. Oui, j'ai mon fils qui voulait te reparler. Bon, Il a bien terminé. Il a terminé par un je t'aime Coé. Peut-on aller plus loin? Oui, je pense. Ouais. Allez, c'est bien pour vraiment le... parce que c'est ton fils. C'est toi. Non, mais c'est bien pour l'audience. Oui, mon grand. Je t'écoute. C'est encore Loan. Je sais, mon grand, je sais. Tu as la tête du petit à qui j'ai parlé tout à l'heure, donc j'en ai dit que c'était toi. Il est horrible. Si tu veux que je mange plus, oui. donne plus de sous à maman. Oh, tu sais, un régime n'a jamais fait de mal. Hein. Tu sais, mon grand, c'est bien de garder la ligne. C'est important. Je te fais un gros bisou. Loan, c'est elle qui t'a dit de le dire. C'est elle qui t'a dit de le dire. Non. Il ment mal cet enfant. Dans le public, il y a le garçon qui était la star sur notre Instagram. Ah oui. C'était notre pote YouTube. Avec le fameux somnambule. Bien sûr. Avec, on va lui dire bonjour. Camarade, donne-moi ton prénom. Bernard. Bernard, ça va Bernard? Bernard, est-ce que tu es en forme? Ouais. Bernard, vrai. Somnambule, on le maîtrise maintenant. Ouais. Alors, attention Bernard. Somnambule. S O M N A M B U L E. Direct, bim bam. Bernard, on est chaud, on continue, personne ne l'aide. Arc-en-ciel. Bon. Allez, on y va. A R Q U. Non, personne n'aide. J'ai dit personne n'aide. Allez, on y va, on reprend. Tu reprends à chaque fois au début, c'est bien Bernard. On va y aller. Bernard, t'es bloqué Bernard? Tu es dans non, un télé. C'est bon. A R. Alors oui. C U. On reprend arc-en-ciel. Mademoiselle, je te vois au deuxième rang, on se retourne, merci. A-R-C-U-N. Arc-en-ciel, on reprend. A-R-C-U-M. Pourquoi A-M? Mais ouais, Arcume. Arc-en-ciel, Bernard, te fais pas chier. Là, tu vas me chercher le mot latin, je le vois, Bernard. Tu vas me chercher le arc-en-ciel. Mais c'est pas ça, c'est arc-en-ciel, Bernard, on reprend. A-R-C-A. Arc-en-ciel. A R C. Pour l'instant, c'est bon. E M. Arcom. T'étais pas loin. Hein. Reprends. A R C E N C I E L. Allez. Mais en un mot. Bravo Bernard. Bernard, il est fou Bernard. Cumulonimbus Bernard. Parthénogenèse. Allez, on y va. On appelle un Désigual quelque part en France. Nous allons aller à Lille. Le principe, est-ce qu'ils sont OK pour faire notre promo pour dire que nous sommes de retour sur Énergie depuis fin août maintenant? Mais il n'est jamais trop tard. Il y a des gens qui nous découvrent peut-être tous les jours. Bien sûr. Magasin Désigual à Lille. Christine à votre écoute. Bonjour. C'est Coé à l'appareil sur Énergie. Bonjour. Comment allez-vous, le magasin Désigual de Lille? Parfait. Alors, le public va d'abord applaudir la demoiselle, déjà, pour démarrer. On est en direct sur Énergie. Quel est votre petit prénom? Christine. Ça va, Christine? Ouais, très bien. Est-ce que tout se passe bien? Vous êtes où à Lille? Je Nous sommes à Euralille, le centre commercial. Oui, d'accord, tout à fait, je visualise, j'adore Lille. On va venir pour le One Man fin décembre tout à Lille. Tout à fait, oui, absolument. Ça va être génial, j'ai besoin de vous, Christine. Oui, allez-y, Christine, je vous en prie. J'ai besoin de vous, je ne vous achèterai pas de robe désigual, ni de petits pantalons, ni de petits hauts. J'ai besoin que vous me fassiez un petit coup de promo. On est de retour sur énergie depuis fin août. J'ai besoin de vous de dire qu'on est de retour sur énergie. Voilà. Est-ce que vous avez un micro ? Non. Ah. Malheureusement, non. Ah, ben oui, pourquoi que vous. Alors. Ah, bah alors, justement, Christine. Mon collègue Nicolas, donc si vous voulez qu'on. Je sais pas, hein, Christine. C'est quoi ? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Bah, si vous me laissez parler, je vous jure que je vais vous le dire. Christine. Allez-y, je vous en prie. Ah, c'est mon boulot de vendeuse. Hein. Christine. C'est moi qui en place le prix. Oui, mais n'insistez pas, je n'achèterai pas. Donc, Christine, est-ce que vous pourriez. Alors, je vous donne le texte et il suffit de dire dans le magasin que l'on est de retour, je vous donne le texte, d'accord ? Ok. On y va ? Papier stylo ? Nico. Alors, il y a un texte. Il y a un texte ? Il est écrit qu'un texte ? Il y a un texte. Ah, un texte ? Un texte. Ah, d'accord. Vous écrivez ? Alors, on y va. Alors, de 17h à 20h. De 17h à 20h. Virgule. Virgule. Faut pas le prononcer. Faut pas le dire. Non, faut pas le dire. Faut pas le dire. Écoutez Coé sur énergie. Écoutez Coé sur énergie. C'est mieux. C'est mieux. Qu'une robe à 8000 coloris. C'est mieux qu'une robe à 8000 coloris. Pas calories. Pas calories, ça marche pas. Sinon, non. Les gens, à moins que les gens mangent les robes. Ça fait beaucoup. Attention, on vous entend. Alors, si vous n'avez pas de micro, il va falloir crier bien fort. Ah ouais. La France entière vous écoute. Nous tous, le public, tout le monde. La France s'est arrêtée. On y va. Christine. Allô ? On y va. Voilà. Allô ? Un blocage. Plouf. Dites à Nicolas qu'on l'attend. Pardon, excusez-moi, on vous a perdu. Oui, Nicolas, bah nous on est là, on attend. Bonjour Nico. Salut Nico, on attend, la France attend là. D'accord, ça marche. Bah de 17h à 20h, écoutez Coé. Ah non, attends, mais pas à moi. C'est pas à moi qu'il faut le dire, moi je le sais, il faut le dire fort dans le magasin. Au client. Au client. Ah d'accord. Bien sûr. Bon ben les clients, écoutez bien, de 17h à 20h, écoutez Coé sur énergie, c'est mieux qu'une robe à 8000 coloris. Bravo les amis. Oh là là, c'est quoi, j'ai envie de les inviter pour le One Man. Oui, tu viens, oui. On vient fin décembre pour mon One Man. On va le rôder à Lille 21 et 22, 22 je crois, oui. On va vous inviter, ça me fait très plaisir, d'accord. En plus vous aurez avec le temps, plaisir. Vous aurez plus de boulot. Donc vraiment ça me... Je vous embrasse. Je vous embrasse chez Daisy Gold. Je vous fais un gros bisou, à bientôt, ouais. Merci beaucoup, bisous. Vous avez un petit bisou à dire, un petit message à dire? Ben, n'hésitez pas à venir nous voir, on vous accueille les bras ouverts. Et vive les couleurs! Vive les couleurs, à bientôt. À très bientôt. Je vous embrasse, bisous. La couleur, c'est la vie. Voici Maître Gims sur Énergie. Il a les lunettes de soleil, lui, il a bien tout compris. Protection. Pour lui, tout est gris chez des dégâts. Merci de nous avoir choisis, on est là tous les soirs. Le pire, c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tout semblant d'hésiter. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre. Les poissons ont trop pleuré. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Je suis posé sur mon divan, je regarde la télévision. Explique-moi ce qui se passe, comme si j'avais 10 ans. Assombrir ma vision, pourtant le soleil est présent. Les gens qui font la morale avec une veste en vison. Ou peut-être simplement qu'on a perdu la raison. La vie est un terrain glissant, mais dans quel monde nous vivons? Stop. Mais stop, stop, stop. Car en effet, le mal est fait. Le pire, c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tout semblant d'hésiter. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Sur le divan, toujours la télévision, obligé de plisser les yeux, rien à l'horizon. Je vais raconter mes problèmes à des gens qui vivent dans l'aisance. Ils vont me prendre au sérieux que si je m'asperge, je descends. Ou peut-être que tout simplement, je n'intéresse pas grand monde. Je suis peut-être une valeur marchande aux yeux de quelques passants. Stop. Et en effet, le mal est fait, mais stop. profiter du temps qui nous reste à vivre. Mais le pire c'est de ne pas reconnaître tout ce qui nous arrive. Mais le pire c'est de ne pas profiter du temps qui nous reste à vivre. Mais le pire c'est de ne pas reconnaître tout ce qui nous arrive. Le pire, c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tout semblant d'hésiter. Et quand les enfants obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Mais dis-moi ce qu'on a fait. 17h-20h, c'est Coé sur Énergie. Avec nous vendredi, il y aura Vita qui sera là. Vita et Claudio Capéo aussi. J'adore ce titre. Sauvez-moi ici, je crève. J'adore ce titre-là. Et ils vont le faire en live. Il y aura Jennifer. Dans un instant, grâce à Énergie Mobile, il y a un téléphone portable à gagner avec 50 mégas de forfait annuel. Et on aura 20 ans de forfait à vous offrir jeudi. On fait un gros bisou à Maëva qui habite Lyon, puisqu'on a dit qu'on faisait aussi une spéciale, la chose la moins romantique que vous ayez vécue. Je t'écoute. Ça va, Maëva? Ça va et vous? Magnifique. Est-ce que la vie est belle à Lyon? Bon, ça va. Bon, ça va. Comme un mardi. On va pas à Lyon aussi, voilà. Pour le One Man? Si. On ira au Rideau Rouge bientôt. Oui, c'est noté. Et la Suisse, vous êtes nombreux à nous le dire, on ira à Genève et bientôt à Morges. Et à Morges aussi. Je vous expliquerai tout ça pour un festival d'humour. Oh là là, on va aller partout. On va se balader en plus de la radio. Je vais mourir en septembre. International. Ouais, je vous le dis, je ferai pas de deuxième année. Bon, je serai mort avant, ce sera au Père Lachaise. On est l'année prochaine, 17h-20h au Père Lachaise. Tombe 228. Maëva, je serai trop bête. T'as vu tout ce qu'il y a à faire? Ils me mettent des dates de One Man, ils me mettent des trucs. C'est toi qui veux. Et je te mixe les Black Eyed Peas. Comment? C'est toi qui veux les dates. Oui, c'est vrai. Je te mixe les Black Eyed Peas. Il le met dans le panier en plus. Ouais. Je vous ai dit que je mixais. Moi, je la prends. Maëva, quelle est la chose la moins romantique que t'aies vécue? Oh là là, c'était un premier rencard que j'ai eu, un rencard Tinder, et le mec était hyper mignon, donc voilà, j'étais à fond, et il me propose en fait de se retrouver à un bar au coin de son quartier pour une soirée tranquille autour d'un verre. Normal. Et en fait, normal. Et je le rejoins, je m'étais hyper apprêtée, enfin j'étais à fond. En fait, c'était genre le PMU du coin, et c'était jour de soir de match, et en fait, je me suis collée. Je crois qu'un tunnel s'est construit au-dessus de toi. Qu'est-ce que tu disais? Il dit qu'il y a deux personnes dans elle. Et tu disais quoi? Soir de match et après? Soir de match, en fait, je me suis coltiné le match. En fait, il était là pour regarder son match. En fait. Ouais, c'est romantique. Quoi. Ah, le gars, il sait recevoir. Ah ouais, attends. Et encore, il aurait pu faire le port à dire, hey, je te décommande, il y a match. Bah, en même temps, c'est ça, vous avez fait un match? Mais c'est ça, il t'a matché. Il n'y avait pas de surprise. Et alors, finalement, tu l'as revu ou pas? Mais déjà, non, j'étais entourée de ouf, c'était à base de Ricard, etc. Je suis à la mi-temps, en fait, j'ai fait genre, je vais aux toilettes et je suis partie. Ah, elle disparaît, elle est jamais revenue. Mais au moins, il t'a donné sa passion dès le début. Voilà. Le gars, il est bon. Voilà, merci. Il aurait peut-être tombé sur une femme qui aime le foot, il y a des femmes qui aiment le foot. Non, mais enfin, le premier soir, ça existe. Non, merci. On en est où au niveau du réseau un jour en France? On va avoir un réseau parfait ou pas? Parce que moi, je vois à chaque fois les mecs qui disent on est 9 sur 10 au réseau français, les Bouygues, les SFR. À chaque fois que t'as quelqu'un, c'est fou. Hein. Non, mais la 5G, c'est bien que vous la sortiez, mais faites déjà marcher la 4 si ça vous dérange pas. Ouais, encore la 3. C'est ça. Je te fais un gros bisou, Maëva, je t'embrasse. À bientôt. Zou aussi. Allez, zou. Et il y a Alice de Paris, j'ai envie de dire jour. Alice? Allô? Comment ça va, Alice? La chose la moins romantique que t'as vécue, c'est quoi? Allô? Bonsoir, allô? Bonsoir. Vous m'entendez? Oui, on va là, 5 sur 5. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. C'est qui? Allô? Oui. Allô? Allô? Allô? Elle est chaud, elle est drôle. Allô? Ça va, Alice? Oui, allô? Bah, allô? Il y a des allô? Des allô? Allô? Allô? Allô, ça me rend ouf. Allô? Allô? Tout le monde, ça fait plaisir. On est là, on est beaucoup. Allô? Allô? Allô? Allô? Un rencard pourri, quoi. Allô, Alice, je t'écoute depuis tout à l'heure. Ah, merde. Vas-y, Alice, quel est le truc le moins romantique que t'aies vécu? Oui, bonsoir. Allô, génial. Elle est drôle, Alice. Honnêtement, bien sûr. J'avais eu. C'était avec mon ex, un petit moment déjà. Et il a voulu me faire une surprise trop mignon et tout. Et il a loué un gîte.

repérer les gens qui n'écoutent pas Koï dans les transports. C'est simple, c'est ceux qui font la gueule. Ouais. 17h-20h, c'est Koï sur Énergie. Taki Taki, dans un instant, le Gigi Snake. Mais nous allons à la demande générale puisque la France est au point mort. La France est à l'arrêt, non pas pour une grève d'ambulanciers ou parce que les prix du gasoil ont augmenté, mais parce que tout le monde veut connaître la fin de l'histoire de Alice de Paris. Elle est toujours là, Alice, avec ses 28 personnalités. Est-ce que Split, tu m'entends? Alice? Allô? Banana Split. Alice? Hé, je suis là. Allô? Alors, Alice... Je me souviens plus du début de l'histoire. Son chéri l'a invité dans un gîte. Ah oui, c'est ça. Oui. Et elle arrive et elle trouve un truc très moche. Quand soudain, et ne me dit pas, il ne me dit pas allô au bout de 5 secondes, je serai toujours en ligne. Quand soudain, bah, on est rentré à l'intérieur et c'était vraiment très glauque, genre déco à l'ancienne, avec des animaux empaillés. Mais il n'a pas l'option photo quand il choisit un gîte ou un Airbnb. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, l'achat, ça doit être quelque chose d'énorme. Et non. On est rentré dans la chambre, il y avait la croix au-dessus du lit avec le papier peint à l'ancienne. Ah, tant qu'elle n'est pas à l'envers. Oui, tant qu'elle se retourne pas vers minuit, la croix. Moi, j'ai vu la nonne, je peux te dire. Que de la regarder, hein. Une croix à la rigueur, ça me dérange pas, mais avec le papier peint, mais c'était vraiment dur, quoi. Les draps, c'était une horreur. J'ai passé une nuit horrible. Et alors, ça s'est terminé comment? C'était pas glamour du tout? Non, c'était pas glamour du tout. Bah, ça s'est terminé. Moi, j'ai pratiquement pas dormi. Il s'est rien passé. Et puis. Bon, on en a ri, hein. C'était pas mais très mais je reviens sur ce que j'ai dit il y a deux minutes. Il a pas regardé les photos quand il loue un truc? C'est ce que je lui ai dit. Il m'a dit non, mais ça avait l'air d'être pas mal. Question de goût. Parce que oui, effectivement, il y avait une piscine, mais franchement, c'était une masse, quoi. Franchement. Ah, mais bon, il y a une piscine. J'ai parti à la piscine municipale du quartier, c'était très bien, quoi. Je te fais un gros bisou, je t'embrasse fort, ma petite. Moi aussi, je vous embrasse. Salut, ma belle. À bientôt. Viens nous voir quand tu veux, t'es marrante. À bientôt, Alice. Ciao. Non, si, elle est rigolote, Je sais pas à quelle personne je parlais dans ce cerveau à ce moment-là, mais elle est rigolote. Coralie, est-ce que tu es là, Coralie? Oui, Coé, je suis là, salut l'équipe. Salut ma belle, Coralie est sélectionnée pour gagner grâce à Énergie. Granier, c'est quand tu gagnes. C'est pour gagner grâce à Énergie Mobile le Sony Xperia XZ3 et le forfait annuel 50 gigas. En gros, tu peux consommer gratos de l'internet toute l'année. 50 gigas, c'est... Il sait pas, mais moi je fais partie des gens qui n'ont jamais rien compris aux histoires de gigas. Ils ont fait des pubs entières à la télé là-dessus. Je n'ai jamais compris. Tu sais, c'est comme les crédits à la fin, ils disent avec les trucs écrits en petit. Tu comprends jamais. Mais ils parlent très vite. Dans la limite, les stocks disponibles. Le crédit part, t'entends toujours ça. Plus autorisation crédit part. Tu sais pas ce que c'est, mais tu dis d'accord, ok, je suis ok. C'est quoi le bruit que j'entends? Bah, c'est ma petite. Ah non, dis-lui de sortir, s'il te plaît. Le mec aime pas les enfants. Quel âge elle a? Elle a 2 ans. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Mila. Mila, comment ça va? Comment ça va, Mila? Mila, j'ai. Ça va, Mila? Ça va bien? Oui. Oui. Est-ce que tu as bien travaillé, non? Est-ce que tu as passé une belle journée, Mila? Non. Non. Bah, il y a eu un problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle était à la crèche, hein. Ah bah oui, mais ça, c'est que les conflits à la crèche, ça commence tôt. Hein. C'est ça le problème. Bah oui, évidemment, c'est ma tutute, non, c'est la mienne, tu l'avais laissée là. Coralie, tu vas peut-être gagner le téléphone portable, attention, oui. Le but du jeu, je te fais écouter 3 titres avec la voix de Google, c'est ça? Oui, absolument. La voix qui chante pas les chansons, qui fait la que les voix dire. Qui parle comme ça. Tu me reconnais, okay. 2 artistes sur les 3 et tu gagnes le téléphone portable et les 50 gigas qui vont avec, d'accord? Ok, c'est bon. Attention. Et demain, l'horloge s'arrêtera. Comme dirait Georges, ça va de soi, on ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, tout oublier tu vois, on ira faire la fête, on ira faire les rois. Allez, bah t'as trouvé là. Oui, c'est Kelly. Ah bah voilà. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on vient d'entendre. Il me semblait qu'hier on avait eu un débat où on disait il faudrait réécouter la même chose que ce qu'on vient d'entendre, mais non, c'est pas grave. Voilà, attention, deuxième titre. C'est pas Enrico Macias. Danse, à la vie, à l'amour. Alors, c'est qui? C'est Soprano. Danse, à la vie, à l'amour. Dans

17h-20h, c'est Coé sur Énergie. Préparez-vous pour le Balance ton pote. Vous connaissez le principe du Balance ton pote, alors que nous sommes déjà dans la dernière heure d'émission. J'ai rien vu passer. Moi, ouais. Tout à l'heure, le Rico Show à 20h, on vous fera des bisous d'ici là. Mais le Balance ton pote, vous savez que c'est quelqu'un qui sait quelque chose sur un de ses amis et qui va nous le balancer. Quelque chose d'illégal. Et, en oui. illégal. Et ensuite, évidemment, en live, je lui passe un petit coup de fil pour essayer de voir s'il reconnaît les faits. Voilà. Mais le public, vous allez jouer tout à l'heure. Ah, oui, vous allez jouer. Est-ce que vous saviez qu'aujourd'hui, il y a un livre qui sort qui s'appelle « Les 100 plus belles récitations de notre enfance ». Oh, c'est beau. Ah, non. C'est quoi, court, petit furet. Maurice Carême. C'est ce truc-là qu'on te fait apprendre. Et ensuite, on te fait venir devant tout le monde et tu dois réciter tout devant tes copains. Oh, j'aimais bien, moi. Et t'as trop la honte devant tes copains parce que t'es là, tu fais... Le machin qui est dans les bois. Le machin qui est dans les bois. Nanana. Eh bien, vous vous souvenez de Maître Corbeau sur un arbre perché? Le corbeau et le renard. Vous vous souvenez, le public? Oui, c'est lointain. Eh bien, tout à l'heure, avant la dernière pub, aux alentours de 19h50, je vous distribuerai à tous le corbeau et le renard. Vous aurez le temps de la pub pour l'apprendre par cœur et ensuite j'en sélectionnerai récitation. Ils ont l'air contents là. Ils ont l'air contents. Ils ont l'air celui qui récitera le mieux repartira, et elle est pas sortie dans le commerce, avec la compile des Energy Music Awards en exclusivité. Hey. Ah ouais. Elle est toujours pas dans. Et puis c'est la 2022. Elle est loin d'être dans les bacs. Celle-là, il y en a. Hein. Non mais c'est pas une blague. Voilà, je la mets là. La compile a gagné. Le corbeau et le renard. Ça va, Maître Corbeau sur un arbre perché. Comment il s'appelle le livre? Le livre. De poésie, hein, ah, les 100 plus belles récitations de notre enfance. D'accord, ok. Parce que j'ai un compte qui m'a suivi sur Twitter, mais ça n'a rien à voir. Le gros livre du pénis. Il y a un compte qui t'a je suivi. Je te jure, j'ai vu ça aujourd'hui. Compte qui s'appelle Le gros livre du pénis qui m'a suivi. Je alors que j'ai vu passer un mec qui avait dit ses comptes auraient aimé le livre du gros pénis. Ouais, j'aurais préféré, ouais. Oui, alors que le gros livre du pénis. Non, ça non. Aucun intérêt. Eh ben, je ne le connais pas, tu l'embrasseras pour je moi. Je lui ferai des bisous. En attendant. De loin. En de attendant, on a Aurélie qui habite Paris. Ça va, Aurélie? Aurélie! Je crois qu'il faut que tu lèves le bouton. Bah, le bouton est. Aurélie! Prends pour un débile. Aurélie! Comment? Prends pour un débile. Pas tout le temps. Là oui! Mais, eh ben, là, non. Mais ça m'est arrivé. Aurélie! Aurélie! Réponse, s'il te plaît! Oui. Ah bah, voilà. Alors, qu'est-ce que tu fais? Regarde, résultat, je prends avec Bichette pour un débile. Enfin. Non, je suis désolée. Mais non, t'es pas débile, Coé. Non, Bichette, pas moi. L'absence révélateur. Alors moi, depuis que je suis petit, je suis un peu débile. Je vous le cache pas. Il y a un truc qui tourne pas rond, je le sais. Non, t'es pas débile, quoi. Aurélie, nous allons revenir dans un instant. Nous allons parler d'un de tes potes qui fait un truc pas bien. Tu nous expliques ça dans un instant. Mais on fait quelques hashtags de bordasse puisqu'on est numéro 1 TT France. On y va. Il y a Flo qui nous dit avec la honte de ma vie en trois mots, Olympique de Marseille. En ce moment, c'est pas la fête. Voilà, faut pas trop échauffer là. C'est pas foufou. Je fais un bisou à tous les fans de Marseille. C'est pas la fête. Et pourtant, ils ont un stade, le stade Vélodrome. Qu'est-ce qu'il est beau. Je l'ai visité avec Soprano, moi. Il est sublime. Ils ont un stade magnifique. Ils ont peut-être les meilleurs supporters de France. Non. Les supporters marseillais, ils sont incroyables. Ouais, ouais. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Le foot, c'est une religion. Un match au Vélodrome. Saint-Etienne aussi. Mais est-ce tout? À Lens aussi. Vous n'allez pas commencer à me saouler avec. Tu dis ça, on dit. Ils sont tous bien. Je dis juste que les supporters sont vraiment incroyables et ils ont aujourd'hui une équipe qui est pas fofolle l'équipe. Dingo, quoi. Bon voilà. Alors on y va, on continue. J'ai raison, les supporters sont bien. Bah oui, les supporters oui, l'équipe aussi, mais c'est juste qu'en ce moment ça tourne pas très bien. Mais, voilà, c'est un ultra, mais ça fait un moment que ça va pas très bien. Bah non, ils ont fait finale de la Coupe d'Europe en mai. De quelle année 2002. Allez, on y va. Moi, je préfère l'en avant Guingamp. Alors là, bon, on est dernier de Ligue 1, mais j'adore en avant Guingamp. Ah bah ouais. Guingamp. Allez, j'adore ce club. Tu les griffouilles? Moi, je les griffouille. Je vais racheter le club parce que là, ils sont dans la merde, les gars. Ils sont en rasera, les mecs. 7 points, 20e de Ligue 1. Hey, ça bien. Sent la CFA, les gars. Ça pue la merde. Merci. Il est débarqué de nulle part. Merci Cyril. Ça fait flipper presque. Toi, t'es fan de Saint-Etienne? Non, de Paris. Pourquoi tu dis Saint-Etienne alors? Parce qu'ils sont pas mal aussi, ils sont bien. Ah, okay. Non, d'accord, les supporters de Saint-Etienne sont bien. Moi, j'aime bien Guingamp, si je les aide. J'aime bien Lens, le Nord, bah, Lille, oui, Lille aussi. Voilà. Sans rien. J'ai fait un petit peu. Le LOSC. Aurélie, raconte-moi ce que fait ton pote. Alors, en fait, c'est pire que mon pote, c'est mon frère. Ah oui. Mon frère qui s'appelle Sébastien, il fait un truc pas du tout catholique. En fait, il se colle aux voitures, notamment au péage de Dourdan. Il le fait très souvent. il se colle aux voitures pour ne pas payer le péage. Et du coup, il vous colle, et puis bah, dès que la barrière elle s'ouvre, il trace. Il colle au maximum et il trace voilà, pour pouvoir passer en même temps que la personne qui est devant lui. Mais alors, ça marche? Oui, ça marche. Et bah, il y arrive, c'était moi, collé, oui. Une ou deux fois ouais. avec moi, et je sais qu'il le fait très très régulièrement. Et il faut savoir en plus que le péage de Dourdan est pas cher du tout. Ah ouais, donc c'est un rat. Ça coûte 1,70€. Ouais. Donc pour 1,70€, il prend des risques. Moi j'avais déjà vu que les camions des fois ils font des pousse-pousse à la barrière, c'est-à-dire que une barrière de péage, si vous la, alors je devrais pas donner le conseil mais les mecs le savent, si tu la pousses, elle se lève. Pour pas casser, elle se lève automatiquement. Ouais. Merci, Corée. Et il y a des camions dont c'est le jeu, ils font ça, ils poussent légèrement. Ce qui est con aujourd'hui, faut plus le faire parce que c'est souvent les camions étrangers qui font ça. Parce qu'il y a des caméras un peu partout. Ah, voilà. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous gueulez? Quel est le problème? Je veux savoir. Disque maintenant. Pourquoi, Michette? Parce que je reçois des textos de la direction. C'est quel titre? C'est Imagine Dragons. Évidemment, les auditeurs d'énergie veulent entendre Imagine Dragons, Michette. C'est ma titre préférée. Mais je l'aime aussi d'ailleurs, ce titre. Bien sûr. Bienvenue sur Énergie. Dans un instant, on réglera le gars qui passe les péages. A tout de suite. Will you hold the line when every one of them is giving up and giving in? Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Trees shadowing, what's happening? Looking through the glass, find the wrong within the past. Knowing we are the youth. Cut it till it bleeds out of wood without the peace. Facing a bit of the truth, the truth. I'm fading to black, I'm fading. Took an oath by the blood of my head. Won't break it, I can taste it. The end is upon us, I swear. I'm gonna make it. I'm gonna make it. Tu auras le balance ton pote, dans quelques minutes nous réglerons cette histoire de passer aux barrières de péage, c'est pas très bien. Nous reviendrons sur l'affaire de la baston pour des cèpes, oui. C'est important, nous aurons le maire en ligne tout à l'heure, nous aurons pas mal de surprises encore. La récitation avec les gens du public, gros, vous allez me le bosser Jean de la Fontaine. Il y en a qu'une c'est qui kiffe dans le public, oui, il y en a qu'une qui fait, oui, je la connais, oui. Je la connais. Et puis une info, il paraît que quand on mange ou qu'on grignote devant un écran, les amis, écoutez bien parce qu'elle est vraie, le cerveau va reléguer au second plan le signal de ressassiment. Ça veut dire qu'en gros, quand vous mangez, vous avez une petite faim, ouais. Vous mangez, vous n'avez plus faim. Ouais. Mais quand vous êtes devant un écran, eh bien, votre cerveau privilégie l'écran et vous grignotez, mais vous avez encore faim. Donc vous continuez de grignoter. Et quand vous êtes un enfant, c'est encore pire, parce que ça peut conduire à augmenter de 30% sa ration calorique et donc l'amener avec l'obésité. Ah. En gros, il a faim, il grignote en faisant un truc, une connerie avant d'aller faire du sport. Et là, s'il grignote devant un écran, il grignotera encore plus. Et en plus, il ne bouge pas.

Après, on va se coucher. Mange d'abord. Le Rico Show des 20h. Maître Gims avec nous sera là vendredi. Maître Gims sera là vendredi. Oui, bah, c'est bien ça. Maître Gims sera là vendredi. Eh ben, ça veut dire qu'il y a un côté qui ne marche pas. Et voilà. Je ne sais pas quoi faire. Je répare cette machine. Essaye de l'autre côté. Je répare cette machine 10 fois par jour. Mais tu as touché tout à l'heure, c'était ça. Mais tais-toi, toi. Mais c'est toi, tais-toi. C'est toi qui as touché. Ouais. Maître Gims. Wow. C'est pas la même chose, t'es dit. Ça, la vendredi. En direct de Cannes, VG Dream aussi. Hey, hey. Je t'interdis de refaire un hey, hey comme tu l'as fait, ok? T'es pas aux autotamponneuses. Merci beaucoup. Jennifer sera là, l'autre. Hey, hey, hey. Mec, je suis sûr pendant les démons de minuit, il fait qui ça, qui ça? Ah bah oui, la base. Où oui, ça, où la ça base. Il y aura Aya Nakamura qui sera là. Hey, hey. Il y aura Dua Lipa. Bien, Nico, Dua Lipa. Il est content, Nico, en tout cas. Hey, hey. Non, arrête vraiment. Ouais, c'est chiant, là. Parce que ça peut tomber. Attends, j'éteins. Voilà. Il y aura plein de surprises. Vous allez kiffer cette émission. Elle va être incroyable. Il y aura David Guetta qui sera là. Il y aura Jane. Ah, vraiment? Sérieux? Ah, ça le fait rire, hein. Il est mort de rire. Il va te défoncer, mec. Alors, autant nous, ce qu'on fait dans l'émission, il comprend pas, mais là, il est mort de rire. En fait, il sait pas encore quand tu passes en mode premier. Le mec, la seule chose, il est dans une émission que plein de gens écoutent. Le seul truc qui le fait marrer, c'est quand tu fais. Mec, il découvre que quand il parle là-dedans, ça fait des bruits. On m'entend, 3-4. Ça passe à l'antenne. 1-2. Et les gens m'entendent là. Promis, j'arrête. Refais ce qu'on a dit. Arrête. Enlève lui le micro. Enlève la base. Enlève le truc là. Voilà, il a enlevé carrément le micro et il l'a poussé. On revient sur Aurélie qui balance son pote. Je vous rappelle les faits. Aurélie, son frère, c'est pas son pote, c'est son frère. Le frère d'Aurélie donc colle les voitures au péage. Ah, pour pas payer. Et hop, il suit pour pas payer. Tout ça pour économiser 1,70€. C'est pas bien. C'est une filouterie. C'est crevard quand même. Monsieur l'ex-policier, qu'est-ce qu'on risque? Après ça change selon le truc, mais c'est considéré comme un vol, c'est une filouterie. Donc, mais non, une filouterie. Ça s'appelle une filouterie. Bonsoir monsieur, vous savez que ce qu'on est de faire, c'est une filouterie. Hein. Alors, il y en a eu plusieurs des filouteries. Tu crois que les mecs ils disent ça quand ils arrêtent les terroristes, alors on a failli faire une filouterie? Alors on range son explosif, monsieur le terroriste, alors c'est pas de filouterie, hein. Une filouterie. Ouais, c'est comme ça que ça s'appelle. Sérieux? Oh, ils le disent pas, mais une friterie, non? Une friterie, c'est autre chose. C'est la pause, ça. Moi, dès que j'ai une pause, je m'arrête à la filouterie. C'est comme ceux qui payent pas l'essence, qui se barrent, ça, c'est des filouteries. L'essence. C'est vrai? Vous êtes policier, appelez-nous. 0870-4248. Confirmé. J'ai envie que vous me confirmiez la susdite information. Bien sûr. Est-ce qu'on dit une filouterie dans le langage de 2018? Bon, après, j'ai quitté la police il y a longtemps, quand même. Bon, enfin, c'était pas pendant les Brigades du Tigre, hein, c'est non. Pas le siècle dernier non plus. Hein. Donc, en attendant. La savasse. Aurélie, j'appelle ton frère. Comment je m'appelle? Ah, alors attends. Trouvez-moi un nom, je suis quelqu'un de sérieux, je suis. Bernard Filou. Mmh. Victor Vinci. Non. Jean-Michel Parking. Jean-Michel Parking. Ça fait rire, ça. Jean-Michel Parking, ça fait rire. Bernard c'est King. Un péage. Ouais, Jean-Michel Péage. Monsieur Barrière. Grosse imagination. Monsieur Barrière. Alain Barrière. Monsieur Barrière. Alain Barrière. C'est nul. Ah, c'est nul. Non, on va dire que je suis quoi? Je suis policier. Oui, ouais. Tu peux, oui. Bah, c'est une filouterie. Policier ou contrôleur de péage? Alors, je t'en supplie, tu me le places, hein, la filouterie. Le mot filouterie. Ah, bah oui, obligé. On y va, c'est parti, on appelle Sébastien, le frère d'Aurélie. Voilà. On y va, pas de rire, pas de blague, aucun son dans le public. Merci beaucoup. Sinon, ce sera considéré comme une filouterie. Destiné. Sébastien? À la filouterie. Allô? Oui. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir monsieur, je vous appelle pour... alors attendez, je regarde dans mes papiers pour... ah oui, c'est vous. Infraction à la législation sur les péages, monsieur. Ah non, je pense... Pardon ? Vous faites erreur. J'ai pas compris, monsieur, on a été coupé. Je pense que vous faites erreur. Alors monsieur, j'ai devant les yeux votre voiture, me semble-t-il, avec vous au volant en train de coller la voiture de devant pour ne pas payer le péage, monsieur. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Ça m'est arrivé une fois, mais c'était pour une urgence. Monsieur, vous avez une 308. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Oui. Alors, monsieur, c'est pas malin, je vous l'explique tout de suite, puisque en France, les péages sont équipés de caméras, vous le saviez? Non, pas spécialement, non. D'accord. Donc, vous pensez que les péages sont sans surveillance, monsieur? Bah, enfin, si, mais voilà, moi c'est un petit péage à côté de chez moi. Enfin, non, monsieur, c'est pas un petit péage, monsieur, à côté de chez vous. Ouais, enfin. Monsieur, une société d'autoroute a porté plainte contre vous selon l'article R122-27 du code de la voirie routière. Vous n'êtes pas cible de poursuites judiciaires, monsieur. C'est une filouterie. Mais pourquoi? Parce que une fois, parce que j'étais pressé et que je n'avais pas d'argent sur moi. Enfin, déjà, monsieur, est-ce que vous reconnaissez les faits pour l'astuce dite fois? Oui, bien sûr, oui, ça m'est arrivé, bien. Oui, effectivement. Monsieur, est-ce que on ne parle que d'une fois? Mais écoutez, je vous demanderai d'être honnête, monsieur, parce que nous avons toutes les vidéosurveillances, monsieur. Oui, bah, enfin voilà. Après, peut-être que ça m'est déjà arrivé. Le péage est tellement cher que oui, effectivement, ça m'est sans doute arrivé. Mais enfin, voilà. Après, bon, monsieur, je vous rappelle que vous êtes sous le coup d'une amende équivalente au trajet le plus long enregistré sur toutes les fraudes, comme vous le savez. Moi, j'en ai à peu près 8 minimum de vous, avec votre plaque d'immatriculation et votre voiture. D'accord. Voilà, donc ça va aller chercher assez loin. Est-ce que vous avez de l'argent de côté, monsieur? Enfin, c'est des petits péages. Oui, mais monsieur, comme vous êtes récidiviste, monsieur, vous êtes récidiviste, vous risquez la confiscation du véhicule, monsieur. Non, mais attendez quand même. Monsieur, c'est interdit, monsieur, c'est de la filouterie. Enfin, voilà, après, effectivement, je veux bien reconnaître les faits et m'engager à ne pas recommencer, mais après, de là. Monsieur, est-ce que vous avez une autre voiture, monsieur? Oui, j'ai une deuxième voiture. Alors, deuxième voiture. Alors, monsieur, de toute façon, vous risquez aussi, vous avez la suspension de permis, vous le savez? Enfin, non, quand même pas pour ça. C'est interdit, monsieur. Enfin, moi, c'est quand même mon métier de conduire, donc du coup, là, c'est... Monsieur, vous avez un vélo? Est-ce que vous avez d'autres moyens de locomotion? Oui, le vélo, effectivement. Ben, voilà, monsieur a donc un vélo. Je vais vous envoyer une convocation donc pour la gendarmerie la plus proche de chez vous. Vous êtes où, là, exactement? Non, mais attendez, on parle de gendarmerie. Enfin, je tue personne, là, quand même. Monsieur, on parle pas de tuer personne, monsieur. Monsieur, c'est une filouterie, c'est comme ça. Voilà. Ouais, non, mais attendez, là, vous me surprenez. Enfin, je veux dire, je peux avoir au moins un rappel à la loi, un avertissement. Ben, je vous rappelle à la loi. Je viens de vous rappeler la loi, monsieur. Ben, et quelles sont les démarches, alors? Enfin, quel recours j'ai? Parce que là, vous allez loin, là. Le vélo. Attendez, monsieur, écoutez, fallait réfléchir avant. Gendarmerie la plus proche de chez vous, donc c'est. Vous êtes où exactement? Ben moi, ce sera Aigli. Aigli. Voilà. Alors, vous écrivez ça comment? E-G-L-Y. E-G-L. Non, mais attendez, je ne veux pas aller à la gendarmerie, je ne comprends pas là. J'ai écrit Aigli. E-G-L-Y. E-G-L. Comment vous dites, monsieur? Aigli, E-G-L-Y. Et ben non, j'ai écrit Aigli, ça c'est une de blé, ça. Monsieur, c'est une blague. Monsieur, arrêtez de me parler pendant que j'écris. Déjà, vous évitez un bled, pas possible. Non. Il y a quatre lettres. Hein, National. Aigli. C'est une caricature, non, mais attendez. Aigli comme la série, monsieur. Non, mais monsieur, enfin, la série Aigli. Oui, non, mais ça s'écrit pas pareil. Alors, E-G-L-E-E. Je regardais. Non, c'est un Y à la fin. Ah oui, parce que là, ça, monsieur, si vous pouvez me donner une fausse adresse, monsieur. Non, pas du tout. Vous me dites, c'est comme la série, monsieur. Je tape avec deux E, ça n'existe pas, c'est avec un Y. Oui, non, mais je ne vous ai pas dit ça, mais on s'est mal compris, pardon. Ah oui, bah, vaut mieux pour vous. Donc, Y, bah, voilà, avec un Y, ça marche, vous me dites comme la série. C'est pour me faire perdre mon temps. Il se trouve que je connais l'adjudant Dunan qui officie là-bas. D'accord, donc. Voilà, donc on peut peut-être s'arranger avec lui, monsieur. Ah ben, je veux bien, oui. Parce que là, il est au PMU à côté, c'est l'heure, quelle heure il est? 19h32, c'est l'heure. Si éventuellement vous avez un peu d'argent liquide, vous pouvez vous arranger avec lui. Oui, enfin, bien sûr, mais combien? Enfin, vous voyez avec lui, monsieur, moi je rentre pas là-dedans, vous discutez avec lui, vous... Ben, vous oui, tenez l'alcool que... Pardon? Vous tenez l'alcool, vous allez discuter avec lui, parce qu'il a... Non, mais attendez, mais c'est une blague. C'est non, une faut blague, pas y aller en voiture, c'est tout ce que je... Il aime la Suze, hein, donc il va falloir... Là, vous êtes en train de me dire qu'un de votre ami, un de vos amis qui travaille à la gendarmerie, est au PMU en train de boire et que je peux le... Il a fini son service, monsieur, il a fini. Hein. Oui, d'accord, mais vous me demandez monsieur, de boire. Monsieur, oui, mais alors, est-ce que vous connaissez la lutte sénégalaise, monsieur? Vous parlez à quelqu'un d'autre peut-être, là, non? Non, monsieur, je parle à vous parce que c'est un spécialiste, non, donc pas, ce qu'il faudrait, je vous explique. Il aime beaucoup ça, vous voyez. Si, en gros, vous vous mettez nu, le corps totalement enduit d'huile et que vous vous battez contre lui, il oubliera les poursuites, je l'appelle, je lui dis que c'est bon. Quoi. C'est vous qui avez bu peut-être, non? Non, monsieur. Bah, en fait, non, mais je suis prêt à. Enfin, je suis prêt à. Écoutez, monsieur, récidive. Filouterie au péage. Vous avez donné une fausse identité en donnant le mauvais lieu où vous habitez, monsieur. Vous avez dit que vous habitiez comme le nom d'une série, ça s'écrit pas pareil. Vous m'avez dit Aigli. Non, mais c'est une blague. Aigli, j'aurais compris. Aigli, non. Alors, donc, qu'est-ce qu'on fait? Je lui dis d'accord pour la lutte? Il m'a envoyé un SMS. Oui, dites-lui oui, je suppose que c'est une blague. Voilà, donc il faut se mettre nu, se recouvrir d'huile et vous y allez. Non, ça va pas. Monsieur Dunant, je suis disponible, je peux aller voir, il n'y a pas de problème. Ah, monsieur Dunant, c'est bon, je l'ai au téléphone, donc il est d'accord, il vous rejoint dans... Vous pourriez être dans combien de temps, monsieur? Dans 10 minutes. Il peut y être dans 10 minutes, monsieur Dunant. D'accord, donc viens avec lui. Pas de filouterie. Pas de filouterie, monsieur, d'accord? Ah oui, non, mais bien sûr, non, mais il n'y a pas de souci. Enfin, on va s'arranger ensemble, mais il n'y aura pas de lutte sénégalaise, je sais pas quoi là. Ah si, on va lutter. Pourquoi il veut pas? C'est sympa d'être nu. Moi, je trouve ça sympa d'être nu pour éviter un péage, d'être nu, un peu d'huile. Après, je sais pas combien vous êtes dans le bureau. On est beaucoup, monsieur. Écoutez, monsieur de Aigli, déjà, vous nous dites le bon truc, on n'en parle plus. Aurélie? Oui. C'est bon, le frangin, il a tout avoué, tout est bon. Il ne le refera plus, je pense. Il ne le refera plus, je m'appelle Coé, on est sur Énergie, mon ami. À vous, t'es flippé. Ah, il était prêt à se mettre tout nu pour se frotter. Il commence à ouvrir les placards, est-ce que j'ai de l'huile? Alors attends, je cherche. La blague. Sébastien, faut plus le faire, hein. C'est pas bien, Filouterie. Je vous embrasse, je te fais un gros bisou, nous avons Florian, policier en région parisienne, ça va Florian? Salut Coé, salut toute l'équipe. Salut Florian, tu es policier où exactement? Alors dans le 93, exactement sur Bondy. Ok, très bien. Tu nous confirmes alors, ça se dit filouterie? D'abord, est-ce que tu me captes? Est-ce qu'on dit bien filouterie? Eh bien, c'est bien ça, oui. Merci beaucoup. Okay. Avec plaisir. Bleuzaille. Il y a de la filouterie, donc de carburant, il y a aussi des aliments dans les supermarchés quand on les prend. Les restaurants et les hôtels aussi. Est-ce que tu peux me faire, s'il te plaît, Florent, imagine, je viens de piquer un truc, je viens de faire de la filouterie dans un restaurant, vas-y, dis-moi. Tu l'as pris sur le vif. Comme si tu viens de me prendre sur le vif, tu m'arrêtes, tu vas me passer les menottes. Qu'est-ce que tu me dis exactement, la phrase, c'est... Alors, monsieur, vous venez de commettre une filouterie. Non, mais moi, si en plus tu me dis ça avec une moustache, je suis mort de rire. Ouais, je peux pas résister. Hein. Bisous, Florian, je t'embrasse. À bientôt. Pas de soucis, salut, à bientôt et embrasse tes camarades policiers. Merci d'être avec nous. Repos. Pause ce verre. Merci d'être là. J'espère que vous passez un bon moment. Dans un instant, pas mal de surprises encore. Je peux pas tout vous raconter. Je sais pas à quoi tu t'attendais. Avec moi, y'a pas d'histoire de c'est juste un ami. Ah, à qui tu veux faire avaler? Que ton corps ne dérange pas tes soi-disant amis. Mais t'inquiète pas, je ne doute pas de nous. Ensemble on est stylé. C'est pas une question de fidélité. Le problème ne vient pas de nous. Les hommes je les connais. J'ai moi-même été de l'autre côté. Oui, j'ai fait du mal à je ne sais combien de femmes. Et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Je te dis que j'ai fait du sale à je ne sais combien de femmes. Et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Ma chérie, tu es jolie, avec un corps impoli. Les hommes sont sans pitié, interdit de les approcher. Avec le temps tu embellis, t'es mieux que ça Balotelli. M'en veux pas de me méfier, homme, femme, y'a pas d'amitié. Si je t'aime, je suis jaloux. Quand j'aime, je suis jaloux. J'ai toujours pas à quoi tu t'attendais. Les hommes n'ont pas grandi dans la logique de devenir juste des amis. Je sais toujours pas à quoi tu t'attendais. Enlève-moi tout de suite toutes ces bêtises de ton esprit. Sois pas naïf, non, méfie-toi de tout. De tout et de tout le monde. En commençant par le sexe opposé. Si je te dis méfie-toi de tout. de tout et de tout le monde, c'est que mon tour finira par arriver. Oui, j'ai fait du mal à je ne sais combien de femmes, et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Je te dis que j'ai fait du sale à je ne sais combien de femmes, et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Ma chérie, tu es jolie, avec un corps impoli. Les hommes sont sans pitié, interdit de les approcher. Avec le temps tu embellis, t'es mieux que ça Balotelli. M'en veux pas de me méfier, homme femme y'a pas d'amitié. Si je t'aime je suis jaloux, quand j'aime je suis jaloux. Si je t'aime je suis jaloux, évidemment je suis jaloux. Bébé tu es le mien, t'es la femme de quelqu'un. Ce qui brille sur ta main veut dire que tu m'appartiens. Mon bébé tu es le mien, t'es la femme de quelqu'un. Ce qui brille sur ta main veut dire que tu m'appartiens. Yeah. Je suis jaloux, je suis jaloux. Ouh. Même si j'ai confiance en toi. C'est Coé sur Énergie. Oui, bonjour. Dis-moi, tu serais pas jaloux? Non. Bienvenue sur Énergie dans un instant. Dans un instant, calmez-vous, je fais évacuer la salle. Dans un instant, nous aurons le... On va voir ce que vous faites, toujours les malins sur Jean de La Fontaine. Bien sûr. Nous aurons tout à l'heure, je distribue la récitation pendant la pub, je ramasse les copies, je prendrai du monde les uns après les autres, vous vous lèverez, vous prendrez le micro. Et vous me ferez la récitation. La consigne, si vous avez un doute, vous continuez quand même parce que ça vous reviendra. Vous la connaissez tous. Et quoi que, je vous testerai avec la Marseillaise avant. Parce que j'ai un doute là-dessus. Revenons sur notre affaire. Le Lot-et-Garonne, oh. Une cueillette de cèpe finie en bagarre générale. Rappel des faits, dimanche, une bagarre a éclaté dans un bois sur la commune de Sommégen. Dans le Lot-et-Garonne, entre des cueilleurs de champignons et le propriétaire de la parcelle. Une scène d'une rare violence qui désole le maire de la commune, monsieur Francis Darrault, qui est en ligne avec nous. Monsieur le maire, comment ça va? Ben ça va un peu mieux, mais vous savez, j'arrive juste d'un direct là. Qu'est-ce qui s'est passé? Le voisin m'a appelé, il me dit, il y a une lampe qui se promène dans ma parcelle. C'était les chercheurs de champignons à cette heure-ci. C'est-à-dire, il y a encore des vols de cèpes? Oui, il y a encore des vols de cèpes, on peut dire que ça s'appelle comme ça, oui. Mais alors, c'est de la filouterie. Là, on y alors, est là. Mais en fait, en gros, ça veut donc dire qu'il y a eu une bagarre entre des gens qui venaient ramasser des champignons et les autres qui ont dit non, c'est chez moi. Oui, voilà. C'est, ils ont joué à celui qui disait le plus fort, je suis chez moi, je suis chez moi. Et alors, finalement, celui qui était le propriétaire en question a pris un grand coup de poing dans la figure. Ah ouais, quand même. Alors. Et ils étaient six bonhommes contre un, et puis... ils ont écrasé les champignons dans la poche qui était portée par deux petites filles et avec son père qui se... Et eux, c'était le propriétaire du terrain, quoi. C'était des petits cèpes? Non, non, ce sont des jolis cèpes. Il y a une grosse cueillette, une grosse production cette année parce qu'il a plu comme il fallait là, il y a quelques jours. Donc, vous m'accordez, quand monsieur le maire... Avec des paniers de cèpes, alors... Monsieur le maire, vous m'accordez, on est d'accord là-dessus, au moins, si ce ne sont pas des petits cèpes, on est d'accord que ce ne sont pas des cèpes nains. C'était pour détendre l'atmosphère. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces champignons, pour que les gens se battent? Non, mais on n'en trouve pas tous les ans. Ah, c'est rare. Donc, quand on en trouve comme ça, ben, on fait des conserves, on en donne aux voisins. Il y en a certains qui le prennent ou qui vont chercher pour les vendre. Alors que c'est totalement interdit, pas la vente, hein, mais c'est interdit de ramasser des champignons chez quelqu'un. Monsieur le maire, la question de co-investigation, sommes-nous à l'aube d'une guerre entre les cueilleurs et propriétaires dans le Lot-et-Garonne? Non, non, ça va se calmer, mais c'est quand même malheureux que les gens se croient tout permis. Il y a monsieur le maire, voilà. L'article 547 du Code civil dit que toutes les cueillettes qui viennent de la terre sont propriété du propriétaire. Et ben voilà. Ça, c'est sinon, sinon, c'est filouterie. Sinon, monsieur le maire, vous faites appel à la BAC, la brigade anti-cueillette. Et comme ça, c'est réglé. Merci, monsieur le maire, je vous embrasse. Mais moi aussi. À bientôt. Gardez-nous des cèpes si un jour on va dans le Lot-et-Garonne pour se fasse une omelette. Il y a des conserves, vous inquiétez pas. Ah merci, ok, d'accord. Allez, allez, je vous demande de me garder des cèpes, vous me dites de les acheter au magasin. Merci beaucoup. On s'est recevoir dans le Lot-et-Garonne. Je vous embrasse, monsieur le maire. À bientôt. À bientôt. Au revoir.